ouvrez cette porte avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore. Une dimension visuelle. Une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la quatrième dimension. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la septième dimension, le podcast qui explore toutes les dimensions du cinéma. Je suis Corentin et évidemment Melvin est là. Melvin, comment ça va ? Ça va. Toujours. Eh ben tant mieux, on se retrouve pour un nouveau concept. Les épisodes traditionnels, on va dire, mettent plus de temps à arriver, étant donné que ces épisodes qui demandent un temps de préparation plus conséquent, de revoir tout, des filmographies ou des sagas entières, et qui demandent des temps de préparation plus conséquents. Donc, autant le Christopher Smith arrivera très prochainement, a priori. On va pas donner de date pour éviter de s'engager et de ne pas tenir un engagement, mais il devrait arriver assez vite, étant donné que Melvin et moi habitons dans deux villes différentes, trouver des moments pour se coordonner et enregistrer, parce que étant donné que nous avons tous les deux nos études en parallèle, c'est toujours des épreuves un peu techniques, mais nous enregistrons toujours avec grand plaisir, n'est-ce pas Melvin ? Oui, puis c'est la différence entre les Parisiens et les provinciaux, quoi. C'est du... Et également, sur le MCU, là, pour le coup, il prend du retard, mais c'est pour deux autres raisons. C'est parce que, donc, on compte enregistrer la dernière partie, et potentiellement les suivantes, qui sait, avec Roman, qui était là au dernier épisode. Et à nouveau, il faut pas se caler à deux, mais à trois, ce qui ajoute une couche de complexité. Mais c'est aussi que certains d'entre nous ont un peu traîné, certains d'entre nous, je out, hein, c'est moi, ont un peu traîné pour voir les derniers films, parce que j'ai été... Assez profondément scandalisé par la vision de She-Hulk, qui m'a fait revoir à peu près l'intégralité du MCU et m'a donné envie de faire du mal, de faire des choses répréhensibles. Mais bref, nous n'allons pas en parler tout de suite. On est pour un nouveau concept qui va sûrement devenir aussi régulier, un peu comme les épisodes de recommandation ou les versus qu'on attend de reprendre avec Alban, qui aussi nous a envoyé sur notre chat interne qu'il allait bientôt peut-être pouvoir se libérer plus de temps et revenir, ce qu'on espère. Alban, on te fait des bisous si tu nous écoutes. Et là, on est donc sur un nouvel épisode et c'est Melvin qui m'en a parlé, qui m'a envoyé un message et qui m'a dit qu'il voulait avoir un truc. Et Melvin, je te laisse expliquer ton concept. Mais alors, je n'ai pas encore trouvé le nom, mais mon expérience des jeux de mots va sûrement en trouver un bientôt. Je compte sur toi, je compte sur toi pour en trouver. Donc grosso modo, on prend une année de cinéma, et j'ai fait de mon côté une liste d'une trentaine de films qui ont plus ou moins marqué l'année. Et on va en parler tous les deux et essayer de voir comment les films ont vieilli, comment ils ont marqué leur époque et notre époque actuelle. Évidemment, ce qu'on en pense, et sans rentrer dans les détails. En digressant potentiellement sur les réalisateurs et tout ce qu'on peut avoir autour. C'est des films dont on peut déjà parler ou dont on va peut-être parler, mais aussi beaucoup dont on n'a pas forcément eu l'occasion de parler. Donc ça permet d'étudier un large champ de films. Et il faut savoir que je ne connais aucun des films de la liste. C'est-à-dire que Melvin l'a préparé de son côté et ne s'est pas basé que sur le box-office, tu m'as dit. Un peu de tout. C'est la majorité anglo-saxonne parce que c'est toujours ce qui prédomine dans le cinéma, mais il y a un peu de tout. Bah, peut-être que... Donc si c'est un épisode crash test, pour les prochaines fois, il faudra qu'on voit... Il y a de l'Indien ou pas dans ta liste ? Non, parce que j'ai pas trop trouvé... Enfin, c'est des trucs, s'ils sont très connus, je les prends, mais 2004, j'en ai pas trouvé de très marquant. Dommage. Française ou des choses comme ça. Ok. Je préciserai l'année après, mais je prends les dates de sortie françaises, des films qui sont quand même sortis en France. Oui, restons sur les dates de sortie en France. Et rapidement, moi, ce à quoi je m'attends sur... Parce que toi, je vais pas te poser la question, vu que tu connais déjà la liste. Moi, 2004, ma grande peur, c'est que, étant donné que je suis plus... le cinéma qui m'intéresse et que j'aime plus, on va dire, c'est le cinéma fantastique et d'horreur. J'avoue que 2000, les années 2000, c'était pas forcément une belle période. C'était intéressant parce qu'il y avait pas mal de films qui parlaient qu'on avait avec la guerre en Irak, les attentats du 11 septembre, ces événements tragiques On a retrouvé l'impact dans ce cinéma-là. Si je dis pas de bêtises, 2004, c'est alors, à confirmer, mais il me semble que 2004, c'est l'année du premier Saw, ou alors c'était l'année d'avant. Mais 2005. voilà. Comment? 2005. 2005 en sortie française? Parce que il me semble que c'est 2004 ou avant. Au 2003, peut-être, ça va être le 2-2005. Attends, je cherche. Bah, on vérifiera ça, mais parce que c'est pour ça que moi, ma grande peur avec 2004, c'est d'avoir. C'est globalement ce qui va tourner autour du fantastique et de l'horreur. C'est une décennie d'horreur qui était intéressante, mais pas forcément facile, on va dire. Donc, il faut. On va voir ce que ça donne. Melvin, tu veux démarrer? Enfin, tu veux démarrer. C'est toi qui vas guider. Allez, et alors juste avant, Saw est sorti en 2004 aux États-Unis et en France le 29 janvier 2005. Donc D'accord, donc c'était bien ma pensée. voilà. Et bien, allez, c'est parti. Donc comme tu l'as dit, on va parler de 2004. Donc pour restituer un peu l'année, c'est l'année où Facebook s'est lancé, tout comme Firefox. Et oui, déjà, c'est également le premier épisode de Plus belle la vie, grande année. Un beau cru, un très beau cru. Un truc un peu plus joyeux, c'est la sonde Opportunity sur Mars, le Seigneur des Anneaux 2 qui remporte ses 11 Oscars, donc qui égalise le record de Titanic et de Ben-Hur. C'est la sortie de la DS au Japon, la Nintendo DS, et le premier album de M. Pokora tout seul. Comme quoi, ça perdure plus que Plus belle la vie. Et 2004, on peut outer qu'on n'était pas forcément encore très cinéphile à l'époque. Mais ça devait être. C'est mon premier film au cinéma parce qu'on va en parler. Ah, moi, si tu veux, j'avais 2 ans, donc je faisais pas grand-chose à l'époque. Ouais, j'en avais trois du coup, enfin quatre en fin d'année 2004. Et donc, ouais, premier film au cinéma, donc on va en parler. Je vais regarder une liste de films dont on ne va pas parler quand même pour les citer. Donc, je disais à Quentin un peu plus tôt ce que c'est qu'il adore Gang de requins. On en parlera. Qu'on a déjà vu dans un épisode et que je refuse de revoir, c'est plus jamais ce truc. Et dans la catégorie effets spéciaux pas trop réussis dont on a déjà parlé, il y avait iRobot en 2004. Ah, c'était oui, ça, c'était en 2004, iRobot! Eh oui. iRobot et ses 125 placements de produits dans les 10 premières minutes. Après, en vrac, on ne parlera pas du village de Shyamalan, Dommage. un long dimanche de fiançailles, de deux frères de Jean-Jacques Hano, il y avait Man on Fire, Le Convoyeur, les chroniques de Riddick ou Alien versus Predator, dont on ne parlera pas malheureusement. Il fallait faire des choix. Dans les films que tu as cités, moi pour l'instant, c'est plutôt les trucs que j'aime bien. Hein. Le village, je trouve ça super. J'ai pas dit que c'était pas bon. J'ai dit que Non, c'était. c'est vrai que tu n'as pas mis dans la sélection. Parce qu'au bout d'un moment, c'était quand même un peu long. On va parler d'une trentaine de films. Alors, la plupart, j'en ai vu un peu plus de la moitié. Et si un de nous deux les a pas vus, c'est pas grave. Par contre, si on ne les a pas vus tous les deux, ben, on va évidemment passer, parce que c'est un peu compliqué d'en parler. Ok. Voilà. Je choisis de commencer tout de suite avec du lourd ou pas. Avec un film d'enfance pour moi, avec Benjamin Gates, le tout premier. Parce qu'un peu de Cage, ça fait toujours du bien. C'est 2004, le premier Benjamin Gates. Voilà. Réalisé par John Turtle-Taube, dit John Turtle-la-Daube. Qui est réalisateur émérite, qui avait fait. C'est pas lui, c'est lui ou c'est Whitley qui avait fait le truc de requin avec Statham? Alors lui, c'est Turtle-Taube qui a fait le premier, qui est sorti, et Whitley, il fera le 2, qui Ah va. oh, putain, c'était nul à chier ce truc, c'était horrible. Enfin, c'était vraiment en deçà de ce qu'on pouvait attendre. Voilà. Mais donc Benjamin Gates, oui, 2004. Et franchement, ben, ça n'a pas tant vieilli que ça, pour le coup. Pour. J'ai pas revu Benjamin Gates depuis très très très longtemps. Pour moi, les deux sont des films globalement d'enfance. Et moi, je sais que j'adore le 2. J'aime beaucoup le 2 avec Nicolas Cage qui est dans un rôle fantastique. On va dire. Je me rappelle d'un moment où il doit faire une diversion et il se met juste à beugler. Donc c'est. C'est dans le 2. Ouais, c'est dans le 2. Après le 1, je me rappelle qu'il a un amour un peu bizarre. Vraiment très prononcé pour l'histoire américaine. C'est dans le 1 ou dans le 2 qu'il doit voler la déclaration d'indépendance? Mais c'est dans un, parce que justement, le Benjamin Gates 1, c'est comme un film d'aventure, mais en fait, un gros tiers du film, c'est un film de braquage, où il doit voler la déclaration d'indépendance. Et moi, je trouve ça juste génial. Globalement, c'est dans ces parmi toutes les repompes d'Indiana Jones, c'est peut-être celle qui s'en sort le mieux. Au-delà de la performance de Nick Cage, enfin qui Nick Cage, j'ai pas besoin de dire à quel point je l'aime, mais c'est fun. Après, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça vieillit si bien que ça. Est-ce que genre même sur les effets spéciaux, enfin je pense que les effets spéciaux c'est un sujet qui va revenir, mais comment est-ce que ça passe, comment est-ce que ça passe les époques? Et ben en fait, comme ils sont plutôt techniques, comme c'est principalement des explosions, des machins comme ça, tu vois, ben ça, Pyrotechnique, ouais. ouais, voilà, donc ça pas trop vieilli, ça passe. Je trouve que le film fait pas trop d'époque non plus, tu vois. Tu sens que t'es pas en 2020, mais ça passe bien. Je viens d'avoir un flashback dans le 1 où Nicolas Cage il ramène la déclaration d'indépendance, c'est à Philadelphie, je crois. Et il fait Sais plus. la dernière fois qu'elle était là, c'est parce qu'elle était signée. Et tu dis, mais oui, si tu le dis. Non, mais c'est le. Oui, vas-y. Un des rares films où Sean Bean ne meurt pas aussi, c'est quand même appréciable. Y a Sean Bean dans le 1? C'est le méchant. Et dans le 2, c'est Ed Harris. J'en ai aucun souvenir là-dessus. Je n'ai pas de souvenir de ça. Parce que j'arrive plus. Vraiment, je me rappelle juste qu'il y a Nick Cage qui a des potes. Et qui sont. Que ses potes sont plus ou moins rigolos. Bah, c'est Diane Kruger et Justin Bartha, du coup. C'est Diane Kruger? Oui. Ouais, je l'ai vraiment pas revu depuis longtemps. Non, non, mais après, je sais que la fois, il devait pas y avoir un 3 à Benjamin Gates. Et ben alors, donc le 2, c'est 2007. Et là, je sais plus pourquoi, mais ils ont fait, bon, bah non, on fera pas de suite. Je pense que c'est des mauvais chiffres. Et du coup, la suite ne se fait toujours pas. Par contre, ils font la série sur Disney+. Avec le seul qui reprend son rôle pour le moment, c'est Justin Bartha. Je suis en train d'essayer de chercher un scénario ou un synopsis pour la série, je trouve rien. On sait si Nicolas Cage va revenir ou pas? Non, c'est pas, ça n'a pas l'air d'être prévu. Après, on ne sait pas. Hérétique, ça n'aura donc aucun intérêt. Justin Bartha qui revient, et puis voilà. Non mais Benjamin Gates sans Nicolas Cage, surtout si ça a le nom Benjamin Gates, ça va être. Attends, dans le Benjamin Gates 2, il n'y a pas sa mère à un moment qui sort ça du chapeau? Mais si, c'est Hélène Mirren, je crois. Ouais, ça, où ils te sortent la maman Gates du chapeau. Genre, ah bah tiens, bah écoute, maman Gates, bah j'espère au moins que pour la suite, ils sortiront, je sais pas, une fille cachée ou quelque chose comme ça. Genre, un truc un peu rigolo, quoi. La sœur de Nick. Mais c'est qui? Enfin, 2004, ça a quand même 18 ans, c'est qui serait vieux, Benjamin Gates. Bah non, Nick ne sera jamais vieux. Nick ne sera jamais vieux. Ça déjà, je refuse. Nick ne sera jamais vieux. Je parle PNJ. Non, mais voilà. Mais après, du coup, Benjamin Gates, au global, c'est sympathique. Maintenant, je serais curieux de voir, parce que nous, moi, je sais que, enfin, je pense que toi aussi, mais on les a découverts, on va dire, pas au moment de sa sortie, mais autour des années 2010. Moi, ou à peu près, ouais. Je serais curieux de savoir comment est-ce que quelqu'un qui les découvre aujourd'hui les prendrait. Parce que tu vois, Indiana Jones, ça a ce côté horreur, entre guillemets, mais film plus mature. Là où Benjamin Gates, je me demande comment ce serait pris. Parce que oui, c'est vrai que c'est très. On est sur du Disney pur et dur, comme ça le deviendra, quoi. C'est très. Bah, Disney, mais encore honnête, hein, Oui. c'est incomparable avec, je sais pas, à tout hasard, Black Panther 2, tu vois, ce genre de truc. Ah oui, non, c'est la bonne époque, comme on Et dit. puis, j'imagine, j'ose espérer que 2004, tu dois encore avoir des décors en dur, des trucs comme ça, donc. Oui, bah, c'est ce que je te disais, c'était en tout cas, ça ressemble à des vrais décors, ces effets pyrotechniques, et c'est pas trop mal là-dessus. Et dans le 2, c'est pas dans le 2 qu'il fait une blague à un moment où il met sa main dans un caillou et il hurle. C'est à la fin où ils vont sur, c'est le mont Rushmore, et en fait, il y a un grand trésor dans le mont Rushmore, c'est là. Bah, j'ai beaucoup plus de souvenirs du 2, à vrai dire que. Je pense que si je le revoyais, je le préférerais parce que le 2, de tous les avis que je lis à droite à gauche, c'est la version bigger and louder du 1. Oui, je trouve le 2 meilleur aussi. Ok. Bah, film suivant? Et bon, on va rester, parce que j'ai fait des espèces de mini transitions à chaque fois qui sont plus ou moins nulles. Si on va être ici, on va rester chez Disney. On va parler d'un gros film de 2004 quand même, Les Indestructibles. Ah! Ah, le 1, non, le 1, le 1, le 1. Oui, parce que quand même le 2. Je suis pas fan du 2, pas fan du 2. Et donc, Les Indestructibles qui a quand même marqué son temps, qui est le 6e Pixar, et je trouve un de ceux qu'on retient le mieux aujourd'hui, avec des Toy Story, Wall-E et compagnie. Bah, ce qui est intéressant avec Indestructible, c'est. C'est le 6e Pixar, tu dis, c'est avant le MCU, parce que Iron Man 1, c'est 2008. Et en fait, ça prend déjà la figure du super-héros pour tenter de la déconstruire avant le MCU. Enfin, avant l'hégémonie, on va dire, des films de super-héros que le monde connaîtra 5 à 6 ans plus tard. Oui, c'est vrai. Indestructible, alors ça fait très longtemps que je ne l'ai pas revu aussi. C'est un film que je voyais pas mal dans mon enfance. Où je sais que j'adorais la scène de Frozone, que je trouve trop cool. C'est juste le meilleur perso, c'est tout. C'est comme ouais. Ça. C'est lui et Edna Mode, il n'y a rien de mieux que ces deux-là. Edna Mode, c'est pas la créatrice de costumes. Mais si. Je me rappelle. Par Brad Bird, le réalisateur, et en VF par Amanda Lear. Et ça, c'est incroyable. Bah, Brad Bird, justement, puisque tu es sur lui, c'est lui qui avait fait. Alors, j'ai pas la date en tête, mais Le Géant de Fer. Ouais, ben avant du coup. Ouais, qui est un chef-d'œuvre et enfin que je trouve en tout cas être vraiment un excellent film. Je sais pas s'il a fait d'autres films entre Les Indestructibles et moi le film que bah, je sais qu'il a fait le Mission Impossible le 4, ouais. 4 ou 5, 4. Le 4. Ouais, le Protocole Fantôme. Et moi il avait fait un film que j'aimais bien, que je trouvais vraiment plutôt sympa et qui s'est complètement croûté. C'était alors je sais pas si tu t'en rappelles, À la poursuite de demain. Et bien, figure-toi que je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. D'ailleurs, c'est pas mal, hein? Mais alors, c'est un peu sur des rails. Mais oui, c'est pas mal. Il y a des idées, quoi. Je trouve que c'est un peu prétentieux par sa forme et un peu questionnable sur la morale, on va dire. Mais c'était assez audacieux. Et puis surtout, c'est un des rares qui a réussi à vraiment effectuer une transition live-action et live-action et dessins animés. Parce qu'il y a ce réalisateur de. Alors, c'est celui qui avait fait John Carter et avant. Je crois. C'est celui qui avait fait Le Monde de Nemo. Alors, je suis pas sûr. Ah, c'est la 7 heures. Non. Andrew Stanton, merci. Et enfin, John Carter, c'est pas aussi horrible que ce qu'on peut en dire, mais c'est vraiment pas grand chose, quoi. C'est compliqué. Enfin, ton acteur principal s'appelle Taylor Kitsch. Donc c'est. Oui, mais c'est Mark Strong dans John Carter. Oui, mais Melvin, tout film avec Mark Strong n'est pas bon. Non. Mais quand même. On peut penser à Revolver de Guy Ritchie, bref. mais Brad Bird, je dirais, c'est lui qui a fait Ratatouille. Oui. Qui est aussi un excellent film. Mais pour revenir sur Les Indestructibles, je serais curieux de le revoir. Je serais très curieux de le revoir. D'autant que dans mes souvenirs, c'est un film de super-héros, mais t'as pas tant que ça de scènes d'action. Et non, parce que t'as celle du début avec le français, là. Le mec qui fait des mimes et des explosifs. Avec le. Je me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Je ne sais plus qu'il y avait ça. Et après, t'as toutes les scènes dans l'île, là, où il s'échappe. Ouais, je me rappelle de l'île avec une scène qui m'avait angoissé. Oui, où ça lance les trucs noirs. Oui, elle me faisait super peur, je sais pas pourquoi. Ah, mais moi aussi. À chaque fois, je la voyais, j'étais là, non, je veux pas voir ça. Il y avait le personnage aux cheveux blancs aussi. Mirage, oh la vache. Parce que toute l'histoire de tromperie et tout, que tu revois que adulte, parce qu'en enfant, tu t'en doutes pas, ou Elastigirl, elle pense qu'il le trompe, du coup, avec elle. Mais en fait, honnêtement, tu me mets des images en tête, parce que j'ai plein de trucs où je m'en rappelle pas. Je viens de voir que Frozen est joué par Samuel Lee Jackson, ce qui explique le fait qu'il soit cool. Je me rappelle du design du méchant robot qui a peut-être préfiguré mon amour pour les gros méchants robots. L'Omnidroïde. Ah, écoute, je savais même pas qu'il avait un nom. Mais ça me donne très, très, très envie de le revoir. Et un mot rapide sur le 2, toi t'aimes bien ? Non, enfin, je dirais pas non plus parce que c'est très bien fait. Il y a des scènes quand même qui sont pas mal, genre les ratons laveurs. Mais après, comparé au 1, c'est quand même beaucoup moins bon, quoi. Bah écoute, je vais être un peu plus radical que toi. Je l'avais pas aimé quand je l'ai vu. Je l'avais trouvé sympa, mais vraiment pour plus produit de consommation. Et j'en ai aucun souvenir, je ne m'en rappelle pas. Vraiment, je me rappelle qu'au début, ils affrontent le démineur. Enfin, le démineur, je sais pas, le méchant à la fin du 1. Ouais, l'espèce de taupe. Ouais. Et je m'en rappelle absolument pas. Je serais curieux de le revoir, peut-être avec un pour le réévaluer. Mais quand on me parle des Indestructibles, je pense au 1, qui est vraiment un film qui m'a pas mal marqué à nouveau. Ça doit faire 10 ans que je l'ai pas vu et il me reste en tête. Mais le 2, je me rappelle qu'il y a un running gag avec Jack, mais que je trouvais moins drôle que dans le 1, éventuellement. Avec les ratons laveurs. Après le 2, on peut. Bah, je pense que tu maîtrises mieux le sujet que moi, t'es plus calé en animation. Mais c'est aussi la période où Pixar a augmenté la cadence de production. Oui, Et c'est. je vais enlever aux deux, c'est que parmi bon, tous les derniers Pixar sont super beaux, mais les Indestructibles 2, c'est un des plus beaux dernièrement, quoi. Il y a des détails dedans, et c'est Oui, là mais qu'ils c'est. ont fait une évolution dans leur animation. Tu as les Indestructibles 2, c'est magnifique. Mais Ouais, bon. mais regarde, ce que je veux dire par là, c'est que. Tu vois, le dernier film vraiment. On va dire que, tu vois, que moi, je garde en tête de Pixar. Parce que si on prend Pixar entre 2009, tu vois, 2009 où ils étaient déjà bien installés, et 2015, tu as Toy Story 3, Cars 2, Rebelle, Monstre Academy, vice-versa. C'est-à-dire 5 films en 6 ans. Et Bah, cela dit, au début, il s'y allait quand même. Oui, au début, mais ça reste un film par an. Ils n'ont jamais eu d'année où ils faisaient deux films, c'est ce que je veux dire. Vrai, alors que là, Et depuis 2015, il y a eu Le Voyage d'Arlo, dont je n'ai aucune image du film. Le Monde de Dory, qui est. Bon. Voilà. bien. Cars 3, je sais pas ce que t'en penses, toi, mais moi, j'aime vraiment pas. Ah, bah si, il dit bien, Cars 3. Moi, je suis pas fan de Cars en général. Coco, ça c'était bien. Coco, ça c'était bien. C'est le seul que je n'ai pas vu. Mais après, tu as Les Indestructibles 2, Toy Story 4, qui était quand même décevant. En avant, en avant, c'est quand même radical. C'est-à-dire qu'En avant, c'est un film sur la perte de la magie, qui lui-même n'a aucune magie. C'est quand même ironique. Soul, qui était bien. Luca, qui était bon, bien, mais qui aurait pu être tellement mieux. Et alors, j'ai pas encore vu Alerte Rouge. Tu vois, alors c'est des films qu'on aime ou qu'on n'aime pas, genre Saul, je trouve qu'on va pas le. Dans 10 ans, je suis pas sûr de me souvenir autant de Saul que ce que je me souviendrai des Indestructibles. Oui, tu vois, c'est pour ça, c'est que Des mots, faire la tatouille, tout ceux de l'époque, quoi. Pixar, ça va faire peut-être 5, 6, 7 ans que c'est bien. Je veux dire, enfin, faut pas oublier que Pixar, c'est quand même Toy Story, que moi, enfin, surtout le 1 et le 2. Dans le 2, il y a une scène que j'adore. C'est la scène où le bonhomme reconstruit Woody. Je sais pas si tu vois de laquelle je parle. Très bien. Que je trouve vraiment incroyable. Monstres et compagnie, qui est quand même un chef-d'œuvre. Le monde de Nemo, Cars 1, ou même si je suis pas fan de Cars 1, il est quand même vraiment bien. Wall-E, Ratatouille, là-haut. Là-haut, je suis pas le plus fan, mais Rebelle, même Rebelle, Rebelle, moi j'adore Rebelle. Donc tu vois, c'est. Fan de rebelles, hein. T'es pas fan de Rebelle? Pas trop, non. Non! Pourquoi? Mais je sais pas, j'ai pas été dans l'histoire. Après, je crois que je l'ai vu dans l'avion, ça doit jouer. Ah oui, non, je t'assure, je t'assure, je t'assure. Essaye de. Une chance. Et redonne-lui une chance, redonne-lui une chance. Mais donc voilà, les Indestructibles 1, ça tue, les Indestructibles 2, moins bien. Voilà, et on va rester dans le gros film de super-héros parce que, comme tu disais, c'est comme une année, c'est les années. Attends, est-ce que je peux tenter de deviner? Vas-y. Est-ce que c'est Hellboy? Seul. Oui, mais pas tout de suite. Mais il y est. Dommage. 2004, vas-y, donne des indices. Essaie de me faire deviner les films, donne des indices. C'est vraiment un film de super-héros, mais vraiment un des plus gros qui existe actuellement, quoi. Qui a donné. C'est une suite. C'est Ah, le 2. j'allais dire Watchmen, mais non. Non, c'est le 2. Ah! X-Men 2! Ben non, c'est l'autre. C'est Spider-Man. Et merde! Spider-Man 2, donc de Sam Raimi, la suite du premier. Un chef-d'œuvre. Suite du premier, sorti 2001. Film avec lequel j'ai grandi personnellement. Alors moi j'ai grandi plutôt avec Spider-Man 3 parce que je l'ai vu au cinéma en 2010, mémoire. Aïe! C'est pour ça que tu préfères les Amazing, c'est que t'as démarré sur le moins bon. Voilà. Et non, en fait, en vrai, j'ai bien aimé Spider-Man 3 à l'époque où je l'ai vu au cinéma. Je crois que c'est 2008 hein, de tête. Ouais, mais allez, allez, mais t'as Venom, t'as l'homme sable, t'as Bouffon vert, tu te dis c'est trop cool quoi. Oui, surtout quand t'as 6 ans. Ouais, Du coup, il m'est resté hyper bien en tête. J'avais pas vu le 2, c'était le premier que je voyais. Donc, moi, j'ai par nostalgie, c'est plus le 3. Et je dis, voilà, les autres après. Le 1, j'ai très peu de souvenirs. Mais oui, non, le 2 est très, très bon. Le 1, il est vachement bien avec Willem Dafoe. Oui. Mais je sais que je l'ai moins vu. Mais le 2 est considéré aujourd'hui comme un des meilleurs Spider-Man qui existe, quoi. Lui, pour le coup, il est vraiment resté ancré dans son époque et encore aujourd'hui. C'est dingue la portée qu'il a, quoi. Le 2, ce qui est impressionnant, c'est à quel point c'est la formule de la suite parfaite. C'est-à-dire que t'as ce qui marchait dans le 1 est recyclé. C'est-à-dire Tobey Maguire, on l'aime ou on l'aime pas, mais je trouve qu'il fait un très bon Peter Parker. Vraiment. On y croit au côté nerd et autres. Un peu vieux quand même, hein. Bah moi, ça m'a jamais marqué. Je me suis jamais dit que je le trouvais vraiment vieux. Je me suis jamais dit que je le trouvais. En tout cas, ça m'a jamais dérangé. Après, c'est aussi il y a une part de nostalgie qui doit jouer. Ça reste une adaptation, de toute façon. Donc T'as toujours la mise en scène de Rémi qui est ce qu'elle est, qui est absolument incroyable. La scène du train. La scène du train qui est juste magnifique. c'est celle qui reste, qui est souvent parodiée ou Qui référencée. est souvent remise, ouais. Et oui, voilà. Et après, t'ajoutes un peu de nouveauté. C'est-à-dire que là, en méchant, bah, ils ont pris en toute simplicité Docteur Octopus avec Alfred Molina qui le joue, mais de façon juste fabuleuse. C'est la scène où, on va dire, il va récupérer ses pouvoirs. Bah, la scène où, bah, je pense qu'on peut spoiler, le film a Oui. bientôt 20 ans, bientôt 20 ans, bah, où sa femme meurt. Oui. Où sa femme meurt, qui est super touchante. Et t'as également de la nouveauté avec cette fois-ci, tu suis plus la vie de Peter. Parce que dans le 1, il fallait introduire le personnage. Là, maintenant, tu sais qui il est. Et donc, tu vas juste le suivre dans sa vie de tous les jours. Et c'est. Enfin, j'ai souvenir d'un film très. Qui fonctionne super bien sur cette relation. Sur la relation qu'il a avec Mary Jane et comment il va vivre sa vie. Il me semble aussi que c'est le premier film où. Parce que le 3 va creuser ça, mais il va refuser ses pouvoirs, c'est ça? Non, c'est dans le 2 qu'il les refuse. Oui, c'est ça, c'est le 2, oui. Parce que dans le 3, t'as aussi ce truc-là où il veut plus ses pouvoirs. Et dans le 2. Le symbiote, c'est à cause du symbiote qu'il les récupère et c'est tout là-dessus. Alors que là, dans le 2, c'est juste que c'est pas qu'il les a plus parce qu'il est pas bien. C'est une histoire comme ça, il arrive. Juste qu'il ne les veut plus, il veut plus être Spider-Man. Ouais, voilà, c'est là où il le met dans la poubelle. Oui, voilà, c'est de celui-là dont je parlais. Mais ouais. Et puis, j'avoue que c'est un film qui, comme j'ai dit, j'aime beaucoup Docteur Octopus et le revoir dans un Spider-Man plus récent, dans un rôle qui n'a rien à voir. Ils m'ont salopé le personnage. Enfin, salopé. Pas C'est que dire. pas le plus salopé du groupe. Non. C'est pas le plus salopé. Mais ça m'a fait mal. J'ai été très blessé. J'ai été très, très, très blessé. Et là, pour le coup, je trouve que ça a vieilli en termes d'effets spéciaux, mais moins que d'autres comme bah, les X-Men. Ou le 3. Ou le 3. Ah, l'homme sable dans le 3, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire. Après, je Même pense. genre X-Men 2, c'est à peu près pareil, c'est juste avant, je crois. Il se trouve que X-Men 2 est quand même beaucoup plus mal vieilli que Spider-Man 2. Après, c'est compliqué de comparer Bryan Singer et Sam Raimi. C'est-à-dire que Sam Raimi, on l'a vu même là dans. Enfin, on parlera de Doctor Strange 2 lors de l'épisode du MCU, mais il arrive à peu près à proposer quelque chose. Et ça reste quand même une proposition qui tient là où Bryan Singer. Bon, c'est pas. Enfin, moi, je suis pas très très fan de Bryan Singer en général, mais c'est pas. Oh, mais Bryan Singer sur X-Men 2, c'est quand même mieux que je ne sais plus comment il s'appelle sur celui d'après. Comment il s'appelle cette ordure? Ah, le salopard qui. Mérite même pas qu'on se souvienne de lui. Brett Ratner, ce salopard de Brett Ratner, salopard. Non mais oui, après, donc Spider-Man 2, pour moi encore, je pense que c'est et ça reste. C'est pas spécialement une opinion qui n'est pas populaire, mais ça reste, je pense, vraiment mon Spider-Man préféré, le plus touchant, celui qui fonctionne le mieux et qui que je prends. Je pense qu'encore aujourd'hui, je prendrais vraiment du plaisir à le revoir. Et oui, c'est des trucs que tu peux voir un peu sans fin, c'est toujours cool, quoi. Mais bon, allez, prochain film, je le fais deviner. Cette fois, on passe sur une production Sam Raimi. Parce que tu vois, The Grudge. Voilà. Bingo. J'étais sûr. Parce que je fais mon travail, je relis tout comme ça, voilà. Le remake de Ju-On de 2002. Remake réalisé par le réalisateur de l'original. Voilà, un remake américain. Comme la grande mode des années 2000, les remakes américains. Ouais. Et pour le coup, je l'ai vu très récemment quand j'ai vu que c'était sorti. C'est un moment où je voulais le voir, c'était sur Netflix. Je me suis dit, allez, je vais le voir pour l'émission. Donc, je l'ai vu. Alors, sur Netflix, je conseille de ne pas le confondre avec le remake de 2022. 2020, le remake. De 2020, qui est un grand et long moment de solitude. Et j'ai bien aimé The Grudge, du coup, parce que je le découvrais. Je n'avais pas vu non plus l'original. J'ai pas... Et tu as vu d'autres films apparentés à la J-Horror, que ce soit The Ring, Marebito ou les trucs comme ça? Et non, justement, c'est le premier, je crois. Ou à moins qu'il y en ait un caché dont je me souvienne pas, mais non, c'est le premier que j'ai vu et c'est un style particulier, mais c'est pas mal du tout. Et bon, par contre, ça fait année 2000, quoi. Non, non, bah, déjà, t'as Sarah Michelle Gellar. Plus années 2000 que ça, tu meurs. Bah alors, confidence, je l'ai jamais vu bien jouer. Enfin, non, pas vraiment bien joué, mais je l'ai jamais vu jouer de façon bluffante, tu vois. C'est-à-dire que dans The Grudge, là, elle s'en sort, mais j'ai un gros crush sur elle. Alors, j'ai jamais vu Buffy, hein. Oui. Je dis ça, je suis d'accord, mais. Moi, je l'ai découvert dans The Grudge et dans un film tragique de la fin des années 90 dont je ne dirai pas le nom. Dans Scooby-Doo. Dans Scooby-Doo aussi, mais je pensais à un film que tu connais bien. un enfant de Scream. Ah oui, c'est. Ouais, je ne dirai pas le nom. Je ne dirai pas le nom. C'est vrai. Je me rappelle même plus qu'elle était dedans. Tiens. Si, si, elle est dedans. Elle a d'ailleurs le meurtre le plus débile du film. Et The Grudge, j'en ai un souvenir qui fait très très très très peur. J'avais eu très très peur en le voyant. Eh bien, pas tant que ça, moi. Justement. Après, moi, j'ai peur relativement facilement. Il est vrai. L'ambiance, c'est vrai que l'ambiance fait un peu peur. Et la mâchoire décrochée de la fille, ouais, ok, ça fait un peu peur. Mais sinon, Sadako. Ouais, c'est ça. Ça allait finalement. J'ai pas tant eu peur que ça. Mais c'est plus une ambiance après. Oui, c'est vrai que c'est après The Grudge. Je pensais juste dans les remakes américains des années 2000, c'est quand même parmi les meilleurs. Il se tient super bien. C'est-à-dire que dans la même période, on aura eu le Ring de Verbinski. Qui alors lui, je crois qu'il est plus ancien, je crois que c'est 2003 ou 2002. 2002, je viens de vérifier. Qui était aussi une proposition audacieuse, imparfaite, mais très audacieuse. Et après, on aura eu le remake de Massacre à la tronçonneuse en 2003, qui était bien, j'aime bien le premier. Et au global, après, on aura eu le bal de l'horreur qui était infernal. On aura eu le remake de Valentine's Day qui était vraiment dur. Le remake de Freddy. Qui était irregardable, le remake de Freddy, c'est une énorme merde. Et non, The Grudge, je trouve qu'il s'en sort bien. Je trouve vraiment qu'il est limite mieux que certains de la saga originale, je trouve. Et les suites Le 2, c'est toujours Shimizu qui est derrière. Et c'est pas mal, le 2 est vraiment, vraiment bien. On perd le charisme, la sympathie naturelle pour Sarah. Mais il est pas mal. Et le 3, je l'ai pas vu. Mais le 3 a très mauvaise réputation. Très, très mauvaise réputation. Ok. Mais voilà. Et après, moi, en général, la J-Horror, je suis plutôt client. Si on fait un jour une émission Shimizu, j'espère qu'on en fera une. J'ai pas encore vu son dernier film, qui est Inunaki, le village oublié, ou un truc comme ça, qui est sur. Tu sais, je pense que tu connais ce truc, mais la forêt des suicides au Japon. Ouais. Et donc, c'est un film là-dessus, truc de fantôme. J'ai rien lu, rien vu dessus, mais je serais curieux de le voir. Ouais, et The Grudge, là, 2004, aussi, précisons rapidement, il est assez facile à trouver, c'est parmi les remakes les plus simples à trouver, enfin, tu as dit, il est sur Netflix, donc vraiment, ça se fait bien. Voilà. Et avec le frère de Sam Raimi, du coup, dans les acteurs. Il joue dedans? Ben oui, c'est le mec des... Enfin, celui qui meurt en voyant la mâchoire décrochée, c'est le mec de l'association... Pas de l'association, mais... Comment dire? Je me rappelais absolument pas de ça. C'est le chef de Sarah Michelle Gellar, quoi, tu vois. Bah, aussi, je pense que Sam Raimi, c'est quand même parmi ses meilleures productions parce qu'en production, il avait fait. Je pense que tu vas t'en rappeler, mais il avait fait La Chapelle du Diable, c'était il y a 2-3 ans. Je l'ai pas vu, mais j'ai vu la bonne annonce. Oh, c'est. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah, t'as vu La Proie du Diable, sortie récemment? Non, non, j'ai toujours vu que la bonne annonce. Parce que c'est pire, je pense. C'est pire que La Proie du Diable, et pourtant, c'était dur quand même. C'était dur, il y avait du niveau. Voilà. Bon, les films suivants, sinon jamais. T'en fais pas, on va tenir un rythme. Un film que je sais que tu aimes beaucoup. Quand je peux te faire deviner, avec plusieurs fins. Et plusieurs fins en 2004. Option, si tu pourrais faire. Ah, l'effet papillon. Ouais. Que film que j'adore. Ah oui, Qui a un c'est peu vieilli, qui a un peu vieilli quand même. pareil. Encore une fois, tu regardes le film, tu fais oh, les années 2000. Bah, On est. surtout on en avait parlé lors du tout premier épisode de Destination Finale, ça remonte, mais c'est fait par un duo, j'ai plus leur nom, mais c'est un peu un coup de génie, on peut dire, qu'ils ont eu. On sait pas trop pourquoi. Et en plus, ces mecs, ils ont jamais rien fait d'autre, à part Bah, par Destination Finale 2, tu vois, mais c'est. Voilà. Eric Bress et J. Mackay Gruber. Ils ont fait un truc. Enfin, Eric Bress, en tout cas, a fait un truc qui s'appelle Ghosts of War. Que j'ai pas vu. Dont je n'avais jamais entendu parler jusque-là. Mais ouais, l'effet papillon avec Ashton Kutcher dans un rôle extrêmement touchant et premier degré, ce qui peut perturber quand on voit le reste de sa filmographie. parce que. Franchement, est-ce que j'ai déjà vu un autre film que j'aime bien avec lui? Si il a joué dans Sex Friends avec Nathalie Portman, Ah ouais, j'ai pas vu. Mais c'est moi un j'aime bien, c'est mignon. très sentimentaux, quoi. Oui, au global, mais non, vraiment, L'effet papillon, c'est un film que j'aime énormément, qui a tendance à être oublié, je trouve, mais qui est bien et qui a des fins. Alors, on va pas les dévoiler ici, mais des fins qui sont noires, on va dire, noires et déprimantes. Il y a dramatique. Bah, surtout, c'est un film que j'encourage à voir dans sa director's cut et quand on voit la director's cut, se rappeler que c'est un film qui était vendu un peu comme un espèce de petit thriller d'été, quoi. Ouais, que les studios ont beaucoup changé du coup Ah, pas qu'un peu, ouais. pour public. Et c'est dommage. Et petite anecdote rapidement pour qu'on passe à la suite, hein, qui est rapide. Tu sais que c'est un film des années 2000 parce que dans la BO, enfin dans la bande-annonce, il y a un morceau que j'adore, qui est It's Been a While par Staind et qui est un gros morceau de néo-metal avec, tu sais, les couplets un peu acoustiques et la grosse guitare au refrain. Enfin, ça a vieilli un peu mal, très mal même, mais moi j'aime beaucoup. Et vraiment, l'effet papillon, film très peu connu, mais que vraiment j'invite les gens à découvrir. C'est très étonnant et c'est vraiment un film que moi je porte très haut dans mon cœur. Et ce qu'on va vite s'en rendre compte, les années 2000, c'est quand même la période du rock dans les films. C'était très bien, c'était très bien. Je ne dis pas que c'était pas bien, je dis que c'est quand même Non, parce que. vous voyez, un peu partout. Là, j'ai regardé, alors c'est 2000, j'ai regardé Holoman hier, avec Kevin Oh, Bacon. quel cut? La cut Netflix. Merde, c'est le cut, c'est le theatrical, c'est pas le director's cut. Dans le director's cut, t'as une scène en plus qui est vraiment cruelle. Mais le mec, il passe quand même son temps dans sa décapotable à écouter du rock, quoi. J'ai là, les années 2000. Bah, au-delà du rock, surtout du néo-metal, c'est la période Linkin Park, Drowning Pool et tout ça. Il y a que ça dedans, j'ai là. Et tu vois, je vais pas te mentir, moi ça me plaisait bien, j'aime bien. Ça me Après, plaît c'est aussi. les goûts et les couleurs, mais par exemple, moi l'autre jour, dans Black Panther 2, quand ils te mettent une scène de poursuite, et la scène de poursuite, elle démarre, elle est bien, tu vois. Et t'as du gros rap de merde qui part, mais vraiment, c'est pas pour critiquer le rap en général. J'aime bien le rap, j'aime beaucoup certains rappeurs. Mais là, pour le coup, c'était vraiment un morceau de merde qui part pour une poursuite. Je dois admettre, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins. Après, là, c'est les goûts et les couleurs, c'est la musique. Mais pour moi, ça fonctionne vraiment beaucoup moins. Ce qui marche le mieux, moi, je trouve, sur scène de poursuite, c'est les musiques des années 70. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que ça. Moi, j'avoue, j'aime bien le bon gros morceau de néo-métal qui part. J'aime bien. Allez, la suite. Il y a deux documentaires sortis en 2004. Oula. Les deux à la suite. Moi, je peux te le faire deviner. Le premier, c'est Super Size Me, qui est quand même. J'ai jamais vu. Là, je l'ai vu à l'école, comme beaucoup de gens. Mais Melvin, tu sais bien que je ne suis pas allé à l'école. C'est vrai, c'est vrai. Mes sœurs ne voulaient pas de toi. Non, bah alors Super Size Me, du coup, je vais en parler. C'est donc ce documentaire sur Morgan Spurlock. C'est Morgan Spurlock qui le fait, qui pendant 3 mois, je crois, un mois, je sais plus, il mange que du McDo. Et donc, évidemment, il y a des problèmes de santé et tout. Non, c'est plutôt, c'est très, j'ai pas, c'est pas fun, mais on s'ennuie pas. Le problème que j'ai avec le documentaire, c'est que souvent, au bout de 5 minutes, j'ai envie de dormir. Alors que là, non, c'est super bien fait et tout, et ça a marqué son époque parce que c'est un des documentaires les plus connus qui existent, au moins de nom. Tu vois, même toi qui l'as pas vu, tu le connais. Oui, ben, je connais, et tu vois, le deuxième qui est sorti, c'est le 2. Ouais, Holy Chicken, en 2017. Parce que le 2, j'aurais une question dessus. Le 2, j'aurais une question dessus, je te laisse finir sur le 1. Mais je n'ai pas vu le 2 comme ça au moins. J'étais plus à l'école. Mais non, voilà, donc le 1, vite fait, il a été nominé aux Oscars d'ailleurs du meilleur documentaire. Et c'était pas mal du tout, c'était assez instructif. Et c'était l'époque en plus de. C'était la bonne époque pour le sortir. Bon, ça n'a pas changé grand-chose à la société, mais voilà. Un très bon documentaire. Et oui, je me pose toujours ta question sur le 2, hein, mais. Bah en fait, le 2, je me pose une question. C'est-à-dire que tu vois, le 1, tu le fais et comment dire, c'est un produit de son époque. Tu vois, c'est un geste. Tu le fais. Je vois pas l'intérêt de faire une suite. Je me demande dans quelle mesure est-ce que la suite. Alors, nouveau, je l'ai pas vu. Je me pose la question. La suite est pas vraiment soit purement mercantile, soit plus moins pertinente, on va dire, dans ce qu'il entend dénoncer. Je me pose juste une question comme ça, tu vois, j'ai pas vu Super Size Me. Je vais admettre, les documentaires, c'est à quelques exceptions près, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal à me poser, vraiment juste à rester comme ça, sans juste à écouter. Mais je sais qu'il faut que je le voie parce que c'est culte, tu l'as dit, c'est extrêmement connu. Ouais, c'est un des documentaires les plus marquants des années 2000, quoi. Voilà, mais du coup, je me demande juste ça. Et puis pour le coup, c'est sur un sujet qui est toujours aussi d'actualité, on va dire, sur la malbouffe en général. Voilà. Mais tu vois, d'un point de vue mercantile, il a aussi fait Super Cash Me. Lui, pour le coup, je trouve pas qu'il ait un grand intérêt. Je l'ai pas. C'est quoi? C'est sûr qu'il explique le placement de produits. Ça. Le sujet peut être intéressant. Le sujet peut être intéressant. Oui, mais je n'ai pas trouvé très. J'ai jamais fini. Je n'ai pas trouvé moins intéressant, on va dire, moins marquant. Moi, ça me fait penser, rapidement, il y a une série documentaire que je recommande qui est sur Netflix, qui est, alors, non, ce n'est pas History of Swear Words, qui est très bien. Qui est ça? C'est The Movies That Made Us, qui est un truc sur les films des années 80 et 90 qui parlent de comment ils ont fait, comment ils ont été faits, de leur héritage surtout. Et c'est très sympa, très touchant, très très sympathique. Dans les documentaires suivants, on va parler parce que c'était obligé en 2004, on va parler de la Palme d'Or de 2004, du coup. Qu'est-ce que c'était? Fahrenheit 9/11. C'était la Palme d'Or de 2004. C'est vrai que c'était la palme d'or de cette année-là. Et oui, qui a fait beaucoup de débats, parce que tout le monde pensait que c'était politique, évidemment. Je n'ai pas vu. Que j'ai vu, mais dont je n'ai aucun souvenir. Je m'en excuse. Je ne m'en rappelle absolument pas. Et donc voilà, donc c'était la Palme d'Or par Michael Moore et ça avait fait un peu de débat quand même à l'époque, même toujours aujourd'hui, je crois. Parce que c'est quand même un truc sur comment résumer ça? En général, c'est une espèce d'état des lieux sur la situation américaine de l'époque. Voilà. Qui est intéressant parce que ça se passe, tu vois, finalement, ça se passe après le. Enfin, à l'époque, tu as vu l'attentat du 11 septembre qui était en 2001. Et on entrait déjà dans une époque qui est. Comment dire? Je suis loin d'être d'être le plus calé en politique ou en géopolitique en général, mais entrer dans une époque où les États-Unis réagissaient déjà face à ça. Il y avait eu la guerre en Irak, il me semblait qu'elle avait déjà démarré, à vérifier. Et donc ouais, je pense que ça doit être un truc qui doit être intéressant à voir, que je serais curieux de voir du coup. Mais voilà, je pense que c'est comme tous les états des lieux à un instant T, c'est marqué dans le marbre de son époque et ça ne bougera pas. Voilà. Donc passons au suivant. On reste dans les prix avec le prix Le Grand Prix officiel de Gérard May. Ah! C'est lequel c'est? Alors, j'ai pas tous les prix, mais alors vas-y, essaie de me le faire deviner. C'est sud-coréen. Bedeville. Non. Blood Island. Non. C'est le même film. Sorti en 2004 en France, mais 2003 en Corée. Old Boy. Non. Alors, Old Boy, on va en parler, c'est 2004. Mais ouais, Old Boy, c'est pour ça que je me demandais. Deux sœurs. Ouais. Yes. Deux sœurs. Kim Ji-woon. Alors moi je l'ai pas vu donc je vais te laisser en parler parce que je l'ai vu de toute façon. Pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est un film que j'adore. Kim Ji-woon c'est un réalisateur qui est pas subtil, mais qui a fait j'ai rencontré le diable, l'âge des ombres, enfin l'armée des ombres ou l'âge des ombres, Age of Shadows en anglais, qui est le bon, la brute et le cinglé. C'est un film que j'adore, c'est un film qui est très délicat, qui est très doux, qui est un peu construit comme un espèce de cauchemar assez noir et vraiment très très bon film, la musique est incroyable, la musique est vraiment fabuleuse. Et c'est, je pense, pour moi, un des meilleurs films coréens des années 2000, surtout que je l'ai revu il y a quelques mois maintenant. Et je trouve qu'il n'a pas pris une ride, parce qu'en fait, il n'a pas de faute de goût. Il n'a pas d'effets spéciaux un peu nuls, ou de... C'est vraiment tout en écriture, en mise en scène et en idée pour que le film vieillisse bien. C'est-à-dire, c'est un huis clos qui se passe dans une maison. Et vraiment, c'est un film que je trouve exceptionnel. Donc, Deux Sœurs, moi, c'est un film que j'adore. J'espère qu'on fera un épisode Kim Ji-woon, parce que je pense que même toi, Melvin, tu peux aimer. C'est pas le film le plus rythmé, mais c'est un film qui a une histoire et une pudeur vis-à-vis de ses personnages et de sa mise en scène qui est vraiment très, très, très, très forte et que j'aime beaucoup. Voilà, Kim Ji-woon, on l'a un peu perdu depuis. Il a fait le film Kerberos Panzer Corps sur Netflix, c'était le comment ça s'appelle, ce truc là avec les flics en armure, qui était pas terrible quoi. Voilà, pour moi Kim Ji-won c'est, et ça restera surtout, je pense, j'ai rencontré le diable, qui est une œuvre qui m'a énormément marqué. Mais voilà, c'est, même si je me demande si, avec du recul, je commence pas à préférer un petit peu Deux Sœurs. Mais voilà, Deux Sœurs, très très très très très bon film que j'invite tout le monde à voir. Qui a eu un remake américain aussi. Ouais, Les Intrus, qui me semble ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Je l'ai pas vu et à vrai dire, tu n'as pas envie de le voir. Bah, quel est l'intérêt? C'est-à-dire, on peut se poser quel est l'intérêt d'un film de base, mais... C'est 5 ans après l'original, tu vois, donc je me dis qu'est-ce que tu veux faire d'un remake. Donc voilà, d'autant que Kim Ji-won, il a quand même une mise en scène dans le film qui est vraiment incroyable. Donc vraiment, les constructions de cadres dans Deux Sœurs, regardez les constructions de cadres, c'est assez dingue. Et le twist de fin, parce qu'il y a un twist, est assez maboule. Ok, voilà. En plus, il y a un twist, tout pour te plaire, Melvin. Ah, voilà, un twist, génial. Et bien alors, on va passer au cinéma français un peu, parce qu'il en fallait bien dans cette liste. Et là, tu vois, c'est moins glorieux que le reste. On va commencer par du Alain Chabat. Non, c'est pas Astérix Obélix. Merde. C'est celui d'après. Qu'est-ce que ça peut être? C'est moi, Alain Chabat, je dois admettre qu'à part Astérix Obélix, je suis pas... Non, mais je crois que tu l'aimes pas, celui-là, parce que je te le dis, c'est... Oh, putain. Et que même moi, tu vois, j'aime bien l'humour absurde. J'aime bien Alain Chabat. Je suis partisan d'Alain Chabat. Non, Alain Chabat, c'est un type bien. Hein. Je veux dire, faut pas non plus lui cracher dessus ou comme ça, mais... Mais j'aime vraiment tout ce qu'il a fait. Mais ce film, j'ai vraiment eu du mal. Ça, c'est... En fait, c'est de l'absurde, mais bête. Et c'est vraiment trop bête pour moi. C'est... Si, pour le coup. Mais c'est lourd, en fait. Le film devient lourd. Et c'est le problème que j'ai. Bah écoute, j'avoue, je vais pas rester longtemps parce que j'en ai pas trop de souvenirs, mais j'ai souvenir d'un truc vraiment, vraiment pourri, quoi. Bah, il y a deux, trois trucs qui marchent, il y a des idées, comme toujours avec Chabat, mais j'ai trouvé mal exploité. Et en fait, je comprends pas qu'on se fait devenir. Je dirais pas qu'il est culte aujourd'hui, mais il a quand même. Il demande à tout le monde. Ah si, il a une réputation, hein. C'est... Ouais, tout le monde connaît ce film, mais je comprends pas pourquoi je trouve pas assez bon au point d'être culte. Ou même pas assez mauvais au point d'être culte. Je trouve qu'il a rien. À part deux, trois idées et un casting de fou furieux. Ce que je trouve dommage, c'est que c'est fait quand même par le par le bonhomme à qui on doit la Cité de la Peur. C'est pas lui qui réalise. Oui, mais qui est, il a participé à l'écriture. Oui. Et je me rappelle que j'ai pari une seule fois, que j'ai vraiment pari. C'est. Mais si il arrive dans Carrefour, ça me fait rire. Mais c'est tout. Ouais, t'es. Je te trouve bien magnanime quand même. Et ouais, voilà, c'est, pour le coup, c'est un film et qui a pas tant vieilli que ça non plus, quoi. C'est. T'es sûr de ça? Et comme il n'y a pas d'effets spéciaux à part des décors, bah, les décors fonctionnent. Alors, il a vieilli forcément, c'est un reste 2004, mais. Il y a autant vieilli qu'Astérix et Obélix, et je trouve qu'Astérix et Obélix n'a pas tant vieilli que ça non plus. Ah bah, Astérix et Obélix, surtout qu'il a quand même. C'est même l'écriture, c'est la mise en scène du gag, le timing comique qui est géré à la perfection. Astérix et Obélix, c'est quand même un autre tonneau en termes de comédie, quoi. C'est... Voilà, voilà. Donc, passons vite sur un deuxième film français. Et quand je dis que c'était pas si glorieux que ça, mais après, c'est un film que j'aime quand même, avec Benoît Poulvorde, Podium. C'est pas Yann Moix qui est derrière ce truc? Et si, c'est peut-être son seul film à peu près qui passe, quoi. On parle quand même du bonhomme qui est responsable, pénalement parlant, hein, de Cinéman. Je n'ai pas voulu. J'ai pas osé. Je me suis dit non, quand même pas. Ah bah non, le voit pas. C'était un des pires trucs que j'ai vu. Bah écoute, Podium, j'avoue que je l'ai pas vu. Yann Moix, c'est quelqu'un dont je me tiens le plus éloigné possible. Je te sens moins enthousiaste que Deux Sœurs, quand même, hein. Ah, pas qu'un peu, non, on va dire Yann Moix, c'est vraiment quelqu'un que humainement, qui humainement me débecte, mais vraiment, c'est vraiment, je ne peux pas supporter ce bonhomme. Je me rappelle de sa critique dithyrambique du jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, qui était quand même un sommet de malaise, et enfin, quoique, c'est un nanar sympathique. Ouais, Podium, c'est compliqué. C'est compliqué. Podium, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Je sais que des gens l'aiment bien, mais pour moi, Yann Moix, je peux pas, j'y arrive pas. Moi, je l'aime bien, parce que je trouve que, pour en fait, une comédie française, je trouve que c'est assez original de faire ça. Poulvorde est incroyable dedans. Enfin, il joue du Poulvorde, quoi, mais il y a quelques idées par-ci par-là, les chansons sont bien faites, Poulvorde qui chante et tout, et ça a un peu vieilli quand même. Mais non, voilà, c'est étonnant pour du Yann Moix, justement. Est-ce que c'est le seul. Étonnant pour du Yann Moix, l'auteur, le célèbre auteur. Et voilà, bon, on va pas s'étendre dessus, ça va pas être un film marquant des années 2000. Mais en fait, quand tu regardes les films français, à part un, deux peut-être, mais il y en a un qui est vraiment marquant, que pour le coup, je l'ai vu. Il y en a un autre que t'aimes pas, tu verras. C'est ok. C'était pas une grosse année, quoi, du cinéma français. Bah, surtout que je me demande, c'est aussi la période où on tentait de faire des films d'horreur, non? Avec Promenons-nous dans les bois, Bloody Mallory, les trucs comme ça. Et ouais, voilà, moi, Podium, j'aurais du mal à le recommander parce qu'il y a la personnalité de Yann Moix derrière. Oui, bon, ça et que j'y arrive pas. Enfin, c'est très personnel, hein, mais Yann Moix, je peux pas l'encadrer, j'arrive pas. Que ce soit ses chroniques, ses interventions télévisuelles, non, j'y arrive pas. On préfère. La vérité, si je m'en trouve avec Cyril Hanouna dedans, c'est quand même beaucoup mieux. J'en ai jamais vu aucun de ces films et je veux pas m'en approcher aussi. Ou que le 3, c'était atroce. Et bien, on va passer à autre chose, un film oscarisé pour son meilleur acteur. Un biopic, et alors, pour le faire deviner, un biopic d'une personne qui est décédée la même année. Un homme d'exception? Non. Le meilleur acteur pour les Oscars de 2005. Et qui lui est nominé d'autres, non même pas. Sur un... J'ai aucune idée, je peux avoir d'autres indices? Sur un musicien. Sur un musicien, c'est un bon film ou... Je ne l'ai pas vu. Ah, c'est avec Jamie Foxx. Ah, Ray! Ouais. Ah, c'est pas mal. Ça se regarde une fois. C'est après pour moi ça va pas vraiment plus loin, tu vois, c'est bien, mais voilà, après j'aurais envie de le revoir potentiellement parce que depuis que j'ai vu Bohemian Rhapsody, j'essaye de voir les autres de purger ça voilà, et je sais que c'est fait par, je sais qu'à la lumière il y avait le chef op de Polanski, des Polanski modernes, mais Ouais, bah je suis sympa. Après, j'aurais pas grand-chose d'autre à dire sur Ray. Et je trouve ça étonnant que. Alors, tu demandes aux gens s'ils connaisseraient, ils vont dire oui, mais par contre, c'est dur, ça revient pas, quoi. C'est un film qui passe quand même assez inaperçu, je trouve, dans Ouais, c'est. Je biopic m'en. musical, tu penses jamais à Ray en premier. J'avoue que je m'en fous un peu. On peut dire ça comme ça, hein, mais. Tu penses plus à Bohemian Rhapsody, malheureusement. Je vais pleurer. Non, moi, en restant, je pense à Rocketman. Bah oui, bah, c'est des années-lumière, quoi. Qui est quand même un autre niveau. Ah, ça c'est clair. C'est plus un autre niveau, c'est stratosphérique, là. Ok. Alors, on va passer dans le suré, on va passer à la suite. On va enchaîner avec des films que j'ai pas vus. On va rester que dans les Oscars. Donc, l'Oscar du scénario original de 2004, cette fois. C'est tout début 2004, d'ailleurs. Qui se passe au Japon. Scénario original. Parce que Japon 2004. Et... Ah! Lost in Translation! Ouais, sorti tout début 2004. Alors, Quel faut aimer le cinéma de Coppola. Je parle de Sofia. Et pour moi, mon préféré d'elle, ça reste Virgin Suicide, qui est un film qui m'a beaucoup marqué et que je trouve assez dingue. Lost in Translation. Comment dire? C'est un film de son époque. Je trouve que c'est un film qui est bloqué en 2004, en fait, qui par le fond reste pertinent, ou en tout cas par le fond peut encore fonctionner. Il y a encore une émotion qui affleure un peu, mais par la forme, pour moi, c'est vraiment bloqué dans le début des années 2000 et ça bouge pas. Donc c'est le gros reproche que je peux lui faire. Un film de 2004, quoi. Bah, au-delà de ça, un film surtout du début des années 2000, c'est surtout ça. Est-ce qu'il y a des mecs aux cheveux longs noirs et du rock? Pas dans mes souvenirs. Ah, dommage. Mais il y a Bill Murray dans un rôle à contre-pied et ça, c'est toujours chouette. Ah ouais, bah, Bill Murray, je fais que voir des films en ce moment avec lui et chaque fois, bah, c'est Bill Murray, quoi. C'est pas que Oh, ouais. hein. J'aime bien, Vraiment, essaye mais. Lost in Translation, tu peux essayer. Mais ouais, j'ai vu, j'en ai beaucoup entendu parler pour le coup, surtout de sa scène d'ouverture, je comprends pourquoi tout le monde parle de ça. Enfin, mais... Ah, oh, tu verras, tu verras, tu verras, tu verras. je vois très bien, je l'ai déjà vu. Mais non, pour le coup, donc, très 2004. Ok. Et bien alors, on revient du. Vu que tu vois, regarde, transition de fou. Ça se passe au Japon, donc Asie. Donc on va parler d'un film coréen maintenant. Lequel? Ah, Old Boy! Non, toujours pas. Merde! Du Bong Joon-ho. The Host? Non, The Host, c'est avant, je crois. C'est. 2004? Qu'est-ce qu'il avait Ah non, fait? Ah! c'est après. Tokyo? Non plus. Très connu. Je n'ai pas vu, mais très connu. C'est lequel qu'il a fait en 2004? Attends, je regarde par rapport à The Host, c'est juste celui d'avant. Oui, c'est juste celui d'avant. 2004-2004, je suis en train de me passer ces films en. J'ai International. pas? Memories of Murder. Ah! Oh bah, c'est peut-être son meilleur film. Que je n'ai pas vu non plus. Donc sur. Okay. Je vais essayer de pas trop t'en dire pour le coup parce que c'est un film, je pense, qui gagne à être redécouvert, à être vraiment découvert. Et c'est dingue à quel point. C'est parmi ces œuvres qui, pour le coup, je pense, ont le moins vieilli possible. C'est dans cette veine de polar coréen ou de film coréen d'auteurs assez un peu énervés quand même qui auront envahi le monde, on va dire, au début des années 2000. Je pense, dans cette veine-là, bah, du coup, on va parler de All Boy plus tard, mais qui était vraiment sacrément un sacré morceau aussi. Et c'est vraiment cette veine de film d'auteur. Assez méchants, assez. De films d'auteurs coréens bourrins qui auront envahi la planète. Enfin, après, enfin, je me répète, mais je pense dans la même veine un auteur compliqué, très très compliqué, mais dont les films m'ont marqué et qui est Kim Ki-duk, qui est un auteur qui a une vision du rapport homme-femme très compliqué à avoir aujourd'hui, très très compliqué, mais qui dans les années 2000 avait fait Bad Guy, qui est indéfendable aujourd'hui, qui a une mise en scène à tomber par terre, mais qui est indéfendable, qui est horrible, vraiment horrible à voir, et qui avait fait Lille et Adresse Inconnue, c'est 2001-2002 ceux-là, avec qui sont des films qui sont traumatisants, The Coast Guard aussi, dans la même période, qui sont des films qui sont traumatisants et qui ont envahi la planète, enfin qui ont pu sortir des frontières coréennes. Et Memories of Murder, je l'inscris un peu dans cette veine-là. C'est-à-dire, il est moins énervé que les autres, mais il a cette ambiance lourde et pesante et cet univers très noir qu'on retrouve. Pour moi, c'est un de mes Bong Joon-ho préférés, avec peut-être j'aime beaucoup Parasite quand même, mais The Host et Bong Joon-ho sur la mise en scène, c'est un tueur quoi. Bon, c'est très très compliqué à prendre sur la mise en scène. Et donc 4 très bien vieilli. Ah, Memories of Murder, ouais, Memories of Murder pour le coup. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui le découvre, il n'y a aucun problème. Et bien, on va passer à un film que je trouve qui n'a pas vraiment vieilli non plus. Et encore moins son acteur principal. On repasse du côté américain avec un certain Tom Cruise. Est-ce que tu peux trouver lequel c'est ? Tom Cruise en 2004, ce serait pas un Mission Impossible ? Non. Non. Ah, serait pas le... Alors non, attends. C'est Collatéral ? Ouais. Et je trouve que pour voir que ça a 18 ans, bah ça a pas tant vieilli que ça. C'est Michael Mann en même temps. C'est Michael Mann, c'est Tom Cruise, c'est encore Jamie Foxx qui était nominé aux Oscars du coup l'année d'avant. Bah Michael Mann c'est peut-être un des plus grands réalisateurs encore en activité. Même son dernier est décevant mais pas horrible contrairement à ce qu'on peut dire. Et c'est quand même, enfin c'est un homme qui a une carrière absolument exceptionnelle. Je veux dire Miami Vice, Heat. C'est collatéral ou Public Enemies aussi, enfin bon, bref, on va pas tous les faire, mais et je trouve que c'est quelqu'un qui arrive à donner à ses films un côté intemporel en évitant toute faute de goût ou toute chose qui resterait trop dans l'époque. C'est-à-dire que Heat date de 94, je crois, dans les années 90 en tout cas. Ouais. Et aujourd'hui, il pourrait sortir, ce serait pas étonnant. Mais non, c'est ça, et Collateral, c'est la même chose, ça sort maintenant, bah c'est toujours aussi bon, ça passe très bien, quoi. Surtout, ça sort maintenant et ça claque le caquet, comme qui dirait, à 80% de la production actuelle. Américaine, je veux dire. Il y a une finesse de mise en scène, d'écriture et de rythme. Sur le film est long. Je crois qu'il dure plus de 2 heures. Et t'es sous tension, mais du début à la fin. C'est dingue. Et c'est avec cette couleur grise de Tom Cruise qui m'a quand même beaucoup marqué. La teinture de Tom Cruise. Avec Tom Cruise dans un rôle pas contre-emploi non plus, mais qui change, ça fait plaisir. Il fait pas 1000 cascades en étant très gentil en sauvant le monde. Non, il joue le méchant. Comme ça. Ouais, c'est le méchant, mais ça reste le personnage principal, quoi. Enfin, c'est autour de lui. Oui, et c'est Michael Mann, c'est vraiment un tueur. Il faut voir ses films. C'est quelqu'un qu'on a tendance un petit, tu sais, c'est un peu comme Walter Hill. C'est quelqu'un qu'on a tendance à oublier. Mais ouais, là, je suis sur ses films. Tu vois, j'ai un Hit, c'est 95 Hit, c'était vraiment dingue. Le dernier des Mohicans dont on n'a pas parlé, mais qui était vraiment vraiment fabuleux aussi. Non, vraiment, c'est un grand bonhomme. Et je Enfin, ouais, Collatéral doit faire partie, je pense, de mes préférés. Même si j'avoue que j'ai vraiment une adoration pour Heat qui est très, très, très, très forte. Grâce à ce caméo de Jason Statham, en fait. Tu peux tout avouer. Il est dedans ? il arrive, il donne une mallette à Tom Cruise, je crois, à la fin. Dans l'aéroport, la gare, ou je sais plus ce que c'est. Un aéroport, je crois. L'aéroport, et voilà, et c'est tout. Genre, tu vois, il passe et il s'en va. Tu m'as donné envie de le revoir. C'est vers la fin, je crois. Bah, quand il est dans l'aéroport, du coup. Bah écoute, ça me fera une excuse pour revoir Collatéral. Voilà, c'est toujours bon de le revoir. Et maintenant, on va passer à un film que, de mémoire, tu n'aimes pas, d'un grand réalisateur. Non, c'est faux. C'est un certain Olivier Marchal. Oh putain, le 36 Quai des Orfèvres. Eh oui, parce que ça aura quand même marqué son année avec... Quel enfer ! Ça a été nominé dans 8 catégories des Césars. Quoi ? Ça n'a rapporté aucun. Attends, mais nominé où ça ? Meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleur second rôle actrice, meilleur scénario, meilleur montage et meilleur son. Mais quoi ? Donc, on peut dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est un film qui aura marqué l'année 2004. Oh putain. Tu l'as vu ou j'en parle ? Je l'ai vu il y a très longtemps. Justement, ouais, j'ai dû voir avec mon père, j'ai dû le regarder, j'ai dû être à côté et j'en ai pas un grand souvenir. Bah, Olivier Marchal, c'est, je trouve que c'est quelqu'un qui a son univers et qui a le mérite de proposer quelque chose en France. Je lui donne ça. Maintenant, alors ces films, l'écriture des, alors on va commencer par l'écriture des personnages féminins, qui est, je sais pas, t'as quand même Valeria Golino dans ton film et il n'en fait absolument rien. Le jeu d'acteur, je le comprends pas, que ce soit Daniel Auteuil ou Gérard Depardieu, enfin Daniel Auteuil, enfin Gérard Depardieu à la fin, qui fait hey, je t'emmerde, comme ça fait. Je ne comprends pas. André Dussolier, à la ramasse. Comment dire, c'est quelqu'un qui a un fan club certain et qui est très actif. Donc je sais que je suis en train de me mettre potentiellement plusieurs personnes à dos. Mais ouais, Olivier Marchal. Alors j'ai pas vu tous ses films. J'ai vu 36 quais d'enfer. J'ai vu Les Lyonnais, qui est peut-être son meilleur. Il y a Bronx qui était sorti sur Netflix. En fait, Bronx, il a un avantage, c'est qu'il est très violent. Et il est très bête. Du coup, tu peux le prendre comme un polar teubé et violent. Mais faut vraiment pas le prendre plus que ça. Il a réussi à faire mal jouer Stanislas Mérard, faut quand même le faire. J'ai pas encore vu son dernier, là, Overdose. Mais c'est. Je ne comprends pas le succès. Le succès visiblement critique, hein, parce que succès public, à la limite, pourquoi pas. Mais le succès public de critique, pardon, de 36 Quai des Orfèvres et de Olivier Marchal en général, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Sa série, la section 0, c'est. Waouh! Wow, tu comprends que dalle! C'est super mal écrit. En fait, pour moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'à la limite, c'est pas si mal fait. Tu vois, ça pompe Fincher. On parlait de Michael Mann, mais ça pompe Michael Mann à n'en plus pouvoir. C'est pas si mal fait. Mais alors, l'écriture. Oh, quelle horreur! Et l'écriture des personnages féminins, c'est absolument scandaleux. Il y C'est a. une période où, Vas-y, vas-y. en France, on a beaucoup de films de ce genre, d'enquête à la française, quoi. Bah, on l'oublie souvent, mais on a quand même un sacré passif du polar à la française. Tu vois, il y avait Le Samouraï avec Alain Delon, enfin, pas mal de films avec Delon. Le Cercle Rouge, tu vois, c'est. Et Olivier Marchal, je peux lui donner ça, c'est qu'il a cette volonté de remettre sur le devant de la scène un polar à la française, un polar qui est fait en France. Et c'est bien qu'on ait des gens comme ça. C'est juste dommage qu'il décrive ses personnages, notamment féminins, comme mais comme des putes, quoi. C'est désolé du mot, c'est horrible, hein, mais les personnages féminins sont là pour casser les couilles des hommes. Et je choisis l'expression avec parcimonie. C'est vraiment là pour ça qu'ils sont là. C'est soit des supérieurs qui sont là pour ça, soit des femmes de personnages, mais qui sont pourvues de clichés, de facilité d'écriture. C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, Olivier Marchal, j'ai du mal. Et bien passons à un autre réalisateur alors, que un film plus pour moi cette fois, avec Steven Soderbergh. Ah, Sexe, mensonge et vidéo? Non, une suite. Ocean's Eleven 2. Ouais, Ocean's 12, c'est 2004. Et là pour le coup, moi j'adore. Trois Que je trouve. préférés. C'est une trilogie qui s'améliore en avançant. Alors, tant que c'est Soderbergh, hein. Tu penses à Ocean's 8? Je sais pas, peut-être. C'était nul ça. Non, mais les trois premiers. Oui, bah le. Non, le 12, c'était celui que j'aime le moins, tu vois. Je pense que je préfère le 13, après le 11 et après le 12. Je trouve que le 12 va pas beaucoup plus loin que le premier, à part qu'il y a Bruce Willis dans un caméo, qui joue Bruce Willis. Je pense que déjà, on peut avancer. Tu veux peut-être parler du putain de casting de ce film qui est juste, mais hallucinant. Ah oui, Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Todd Sheldon, Vincent Cassel, Andy Casey Affleck. Casey Affleck, Bruce Willis, du coup. C'est impressionnant. Ça, et le 3, c'est encore pire. Hein. Le 3, t'as encore plus de monde, quoi. Ben, les mêmes et avec Al Pacino. Ouais, t'as Al Pacino, t'as Scott Caan, il était déjà dans le 2? Ah ben, ils sont tous, il fait partie des 11. Oh, écoute, ça, je me rappelle. Il y a Julian Sands dans le 3, je viens de voir. Oh mon dieu, très mauvais acteur, mais très drôle à voir. Et La vache. les Ocean, c'est pas un truc qui a beaucoup vieilli non plus. Ça fait années 2000 quand tu les vois. Ouais, sur la forme, ça doit être un peu compliqué quand même. Ce côté petit malin. Mais oui, mais c'était parce que je l'ai vu assez tôt quand même. C'était assez nouveau pour des films de braquage comme ça. Ça a un peu donné la référence, je trouve. des films de braquage comme ça avant. Il n'y avait pas des masses tournées comme ça, avec des space screens de partout. Bah, les films où, entre guillemets, les braqueurs sont plus seulement des personnages intelligents, mais quasiment des super-héros, en fait. Voilà, avec des twists à la minute, tout ça. Et je trouve que les Oceans, c'est vraiment ce qui a donné la référence aux futurs films qu'on aura après. Même Norberg copiera sa version sur Logan Lucky, quoi. J'ai pas vu ça, Logan Lucky. Bah, c'est pas si mal, surtout si tu veux voir Daniel Craig dans un rôle absolument magique. Avec en teinture blonde peroxydée, non? Ouais, un espèce de taulard vulgaire, c'est magique. Ça, et j'ai souvenir, si je dis pas de bêtises, que ouais, qu'il y a pas mal d'effets à la De Palma. Avec des split screens, de la musique, des trucs comme ça. Dans les Oceans? Ouais. Ouais, et c'est que ça. Tout le temps. Et le truc, moi, que je trouve dingue, c'est qu'ils sont donc 11. 12 dans Ocean's 12, et que t'arrives à savoir qui est qui fait quoi et où est tout le monde. Il y a une gestion des personnages que je trouve dingue. Et super, 12, quoi. Il aura fonctionné en public ou pas, lui? Et je peux te dire ça. Alors, je suis en train de vérifier, et visiblement, oui. Il est 12e du box-office français. Ouais, donc ça va, pour le coup. Bah, il aura rapporté 362 millions. En monde, et sur un budget de 110 millions, donc ça va. Il a fait quasiment 3 milliards d'entrées en France, c'est énorme, surtout à l'époque, quoi. Ouais, et le 3, je suis en train de regarder, il a un budget de 85 millions, et il aura rapporté 311 millions, donc ouais, ça reste globalement une bascule rentable. Et le 8 ? Ah non, pardon, ça n'existe pas. Non, le 8, c'est Adriana avec des dreads, là, ça va pas le faire. Avec moi, dans le 8, j'aurai toujours cette scène. Les mecs, ils font, ouais, mais t'inquiète, tout est filmé. Mais si je me mets dans l'angle mort de la caméra dans le coin, c'est bon, on peut voler le truc. Mais à aucun moment, c'est possible. Parce que dans le Ocean's 11, 12, 13, tu sais que c'est pas possible. Les trucs, ça, jamais ça tient. Mais t'y crois. T'as envie d'y croire, c'est bien fait, c'est justifié. Dans le 8, y a rien qui va. Il te justifie les trucs, tu fais, non, mais non, juste, c'est pas possible. Vous avez qu'à vous envoler avec des petites ailes, hein, c'est pareil. Et Soderbergh, c'est un réalisateur qui m'intrigue beaucoup. J'ai pas vu tous ses films, j'en ai même pas vu tant que ça. Mais c'est vraiment quelqu'un qui aura évolué entre les genres de façon assez, assez surprenante, parce qu'il a fait Solaris, il a quand même fait un remake de Tarkovsky, faut oser. Maintenant, je l'ai pas encore vu. Il aura fait Trafic, qui est un film qui m'intrigue beaucoup. Contagion, oui. Qui est quand même... Contagion, que j'ai pas vu non plus. Ouais, moi, j'ai vu, c'est pareil. Pour le coup, t'as 15 milliards de personnages, et ils jonglent super bien avec. Et, c'est un film qui m'intrigue pas mal, Contagion, il me donne vraiment envie. Bah, surtout après le Covid, c'est encore plus marrant de le voir. Covid before it was cool. Voilà. Non, c'est horrible dans Contagion ce qui se passe, mais c'est la même chose, avec plus de morts. Ouais, et après, tu vois, il aura fait Erin Brockovich aussi. Vraiment, c'est quelqu'un que j'ai envie de creuser. Il a fait deux films sur la vie du Che avec Benicio del Toro, ce qui me rend heureux. Donc, Che Part 1 et Che Part 2. Je suis curieux. Faudra creuser Soderbergh pour moi. Ça, il a fait Sexe, Mensonge et Vidéo, qui, ça, pour le coup, était pas mal. Et la suite, du coup, je crois que c'est son prochain film. Je sais pas, pour moi, son prochain film, il me semble que c'est la suite de Magic Mike. Après lui, alors. Je crois qu'il va faire la suite de Sexe, Mensonge et Vidéo. C'est pareil, Magic Mike, j'ai jamais vu, ça m'intrigue trop. Genre, Magic Mike, c'est pas mal, c'est pas mal. Surtout, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là, Soderbergh ? Ça a tellement rien à voir, tu prends chacun de ses films un par un. Ah, toi, tu vas aimer Magic Mike, je pense. C'est tout plein d'effets dans tous les sens, tu devrais aimer. Enfin, le 1, le 2, non, mais le 1, ouais. Et dans le 1, t'as Matthew McConaughey qui joue un stripteaser. Oh, ok, c'est bon, tu m'as eu. Et bien, je pense passer au prochain film, avec Brad Pitt, toujours. Enfin, dans le rôle principal, cette fois, Brad Pitt. Je sais. Un autre indice, peut-être ? Un film. Ah, on se dit ça, tu as trouvé direct. C'est un film, un ancien film. Enfin, ça se passe il y a très très longtemps. Ça se passe il y a. Ah ! Est-ce que c'est un film avec une director's cut ? Oui, possiblement, oui. C'est 3. Eh oui, 2004, de Wolfgang Petersen. Qui est très bon film, en director's cut. Très longtemps. Quand je faisais du latin. La seule année où j'ai fait du latin, et ben j'ai. Donc c'était il y a très longtemps, je ne me rappelle pas des masses. Ben, c'est. C'est un film qui est intéressant parce que dans son cut de base, il est vraiment pas terrible. C'est-à-dire que dans le cut de base, c'est un côté léger, sympa. Enfin, léger, sympa. C'est un côté trop léger, on va dire, là où le cut, Director's Cut, est beaucoup plus gore, beaucoup plus méchant et beaucoup plus cru, en fait. Et ça vraiment, ça donne une. Et rajoute plusieurs scènes explicatives. Je crois que ça rajoute quasiment une demi-heure, voire 40 minutes. Et ça donne une espèce d'envolée épique au film qui est absolument dingue. Vraiment, 3, c'est un film que moi j'aime beaucoup. Surtout en Director's Cut, on va dire. Même si Orlando Bloom en Paris, qui. Oh, mon Dieu, quoi, c'est pas facile. Mais Orlando Bloom tout court, c'est pas facile. Non, dans Kingdom of Heaven, il est bien. Déjà, dans Pirates des Caraïbes, c'est vraiment censé être le perso principal derrière Jack Sparrow, où il passe complètement inaperçu. Oui, mais le problème, c'est que t'as Jack Sparrow à côté, quoi. Il ne peut pas exister. Je retiens mieux le personnage de Keira Knightley hein, que ce d'Orlando Bloom. Je trouve Bah, que. Keira Knightley, tu la retiens parce qu'elle a tout le temps la bouche ouverte. Ouais, ok. Point de balle en ton camp. Non, mais vraiment, 3, Par contre, dans le c'est un film à bus. voir en Director's Cut, je pense. Et surtout que le Director's Cut, elle existe en DVD Blu-ray, c'est pas compliqué à trouver. Et oui, parce que j'ai le bourré. Hey, Je suis pas du tout jaloux, c'est cool. Et ça, dans mes souvenirs, ça n'a pas tant vieilli que ça. Non, ça a vraiment pas vieilli. Bah, pour moi, en tout cas, ça, c'est un film qui est encore vraiment. Bah, Petersen, c'est pas un manche. Petersen, c'est pas un manche. C'est lui qui avait fait Das Boot, qui était aussi en gestion de l'espace et de l'action assez impressionnant. Et là, 3 en Director's Cut, c'est juste un truc de dingue. C'est vraiment fabuleux. Il arrive à donner une force aux scènes de bataille et une importance à ces personnages qui est vraiment, vraiment dingue. Et après, surtout, 3, ce qui est fascinant, c'est la façon dont. Il va mettre le récit au service de. Un récit qui est censé être mythologique, donc un récit qui est quand même censé avoir une certaine importance, au service de personnages en enlevant toute implication divine. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que Oui, je vois. c'est quand même un récit mythique, avec normalement les dieux qui sont là, etc. Et là, c'est. Uniquement un récit à hauteur d'homme sur des hommes entre eux et ça fonctionne. Je trouve que ça fonctionne super bien. Et j'avais un bon souvenir, après, il faut que je le revoie, maintenant que j'ai la Director's Cut. Ah, vraiment, la Director's Cut, tu vas adorer, tu vas adorer, c'est fabuleux. Et puis c'est dans cette grande époque du péplum, après Gladiator, avant Alexandre. Oui, bah alors Alexandre que j'ai jamais vu dans la bonne version, je l'ai vu dans la Theatrical Cut. J'ai envie de dire qu'il fallait pas le voir comme ça. Mais Mais la grande époque du péplum. oui, bah bien vu. Bah tu l'as dit, il y avait Gladiator, il y avait Gladiator qui. Et qui a donné le feu vert au péplum, quoi. Ouais, il y avait eu comment l'aigle de la 9e Légion, je crois, avec Channing Tatum, Ouais. qui était pas mal, qui était sympa, on va dire. Et t'auras eu ce. Comment il s'appelle déjà le Neil Marshall? Centurion. Ceinturion que moi j'aime bien, j'aime beaucoup Ceinturion. Michael Fassbender. Voilà. Et puis après t'auras eu 300 aussi de Zack Snyder. T'auras eu les Immortels de Tarsem Singh que moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment vraiment beaucoup. Même si à nouveau très imparfait. Agora qui est en quelque sorte un péplum. Agora. Et puis après il y a Ridley Scott aussi le Exodus qu'on peut considérer comme Oui, ouais, mais là, justement, c'est le truc, tu vois, je trouve que 2000, c'est les péplums, et là, tu arrives vers 2010, où tu pars sur les péplums, mais avec des gros monstres. Ah ben les péplums, bah justement Gods of Egypt à ce moment-là et même les immortels, Genre des titans, tous ces trucs-là, tu rentres dans une nouvelle phase qui est le péplum, mais bon, les humains, on en a marre, on va faire des gros monstres. Ouh, je viens de voir que en 2014, grâce à Gladiator, on aura eu Pompéi. Paul W.S. Anderson n'est qu'à deux crans de Pompéi. Ouh! C'est pas facile Pompéi, hein, c'est. Et je te vois se passer sur un autre film d'époque. Du coup, il fait polémique aussi à son époque. La Passion du Christ. Eh oui. J'étais sûr. Qui est Comment dire? de Jim Caviezel. Tu l'avais vu, toi? Eh bien, figure-toi que je l'ai vu en cours, celui-là. En physique chimie, me demande pas pourquoi. Moi, en fait, je suis mitigé sur le film. D'un côté, je trouve que sur la forme, il est impeccable. Je trouve qu'il y a une un sens du détail, une volonté de pousser la représentation historique assez dingue. Tu retrouveras cette volonté dans le Braveheart de Gibson. Mais à côté, je trouve le message gerbant. Je trouve que le film est une espèce de propagande chrétienne que je trouve vraiment dégueulasse. C'est. Je suis très très mitigé dessus. Très très mitigé. Et toi? Mon souvenir est trop lointain pour que je me rappelle. Et pour être honnête, je l'ai vu au lycée. J'étais dans un lycée privé, donc catholique. Ah! Oui. Pas étonnant, tiens. Donc, ouais, tiens, la passion du Christ. Donc, dire, j'en avais un peu rien à carrer, quoi. Après, Ah tu te rappelles quand même à quel point c'est vénère. oui, par contre, oui, c'est ultra vénère. Ah, c'est la palette de steak haché, hein. C'est super gore. C'est. Et pour le coup, la première fois que je l'ai vu, je m'attendais pas à ça. Et au bout d'un moment, t'as juste envie de faire, non mais pause les gars, stop, on en a marre. Mais voilà, c'est. Mel Gibson est un excellent réalisateur. Je crois vraiment que c'est un très très très fort pour tenir sa caméra. Mais je trouve le fond du film absolument dégueulasse, qui globalement plus ou moins te fait une pub pour le christianisme, et moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça. Des polémiques sur l'antisémitisme, du coup. Qui sont un peu bêtes parce que, bon, après le problème c'est qu'aujourd'hui, avec du recul, on saurait pas trop comment les prendre parce que on sait que Mel Gibson il est pas forcément innocent sur le sujet, c'est quand même un peu compliqué. Et là, pour le coup, tu vois, on peut. L'antisémitisme, on va dire, c'est bête de résumer le film à ça, parce que pour le coup, comment dire? Moi, je le vois vraiment pas. Je le vois vraiment pas lorsque je regarde le film. Je me dis juste que c'est un film qui veut mettre une retranscription de son époque, et donc montrer que les Juifs ont condamné Jésus. Maintenant, ça va avec ce que je dis, c'est-à-dire que le problème de cette unilatéralité ultime. En montrant les juifs comme les méchants, les méchants, les méchants, bah ça va te dire que ça va te résumer la chose en te disant littéralement, regardez Jésus, il a été victime des méchants juifs, c'était lui le gentil dans l'histoire, tu vois, c'est ce genre de truc. Du coup, bah, tu te dis ouais, mais c'était peut-être pas comme ça dans la vraie vie, quoi. Tu vois, c'est ça les reproches que je lui fais globalement. Et bien là, on enchaîne. Et alors, transition de fou. Là, on a parlé d'un film sur Jésus, le paradis. Parlons d'enfer. Enfer, qu'est-ce que ça peut être? Sur l'enfer, tu l'as dit tout à l'heure. Sur un mec qui vient de. C'est dans le titre. Attends, Fromel? Non, c'est meilleur. Tu mets le L avant. Fromel? Non, mais non. L'enfant des enfers. Attends, comment? L'enfant des enfers, tu traduis ça comment? Son of Hell? Ah non, ouais, tu le fais exprès, c'est pas possible. Non! Hellboy. Ah putain! Le garçon des enfers! T'es passé autour du film, tu as contourné le film. Ah, Hellboy! Bah, c'est chef-d'œuvre. Je préfère le 2. Je préfère le 2. J'ai vu que le 1. Ah, le 2, c'est le 2, le 2, c'est un chef-d'œuvre. Enfin, le 1 et le 2 sont très forts, mais. Déjà, ouais, je trouvais le 1 génial. C'est du pur Del Toro, pour le coup. Ouais. Ça se sent. Genre, le film fait, oh, du Del Toro. Bah, ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point il va. C'est entre guillemets l'aboutissement de ses thématiques. C'est-à-dire que c'est vraiment son amour des monstres qui ici est matérialisé comme jamais. Et qui. Enfin, comment dire? Comment parler de Hellboy? Il va réadapter tout le comics. Et ça proposait quelque chose de totalement autre, tout en restant ultra pertinent dans ses thématiques, avec déjà les effets spéciaux. Les effets spéciaux qui sont incroyables. Ron Perlman Ça, dans un rôle, mais qui est fabuleux. c'est le genre de film ce genre de film peut très vite vieillir, mais celui-là, non, quand Il me même. semble que c'est Cyril Despontin qui disait que. Il avait un truc, c'était de calculer combien le film va te donner par rapport au prix du billet. Tu vois, c'est-à-dire qu'un film aujourd'hui, c'est à peu près 10 euros. Combien est-ce que le film va te donner pour 10 euros? Et Hellboy 1 et 2, mais t'as tout ce que tu veux. Quoi. Je veux dire, t'as des monstres, t'as une musique, mais oh, la musique du 1. Il y a des nazis. Il y a des nazis. Il y a des nazis. Mais c'est en vrai, la musique. C'est en 44 avec des nazis. Moi, j'étais déjà été conquis. C'était déjà un bon film pour moi. Mais la musique du 1 qui a tombé par terre, les acteurs, Selma Blair dans, qui est une actrice qu'on a un peu perdue, je sais pas ce qu'elle devient aujourd'hui, mais là son rôle dans Hellboy c'est magnifique, l'écriture du film qui est mais la, comment dire, comment te rendre un monstre attachant, Del Toro il sait le faire, il l'a déjà montré, et là mais c'est, oh, c'est juste fabuleux. Vraiment, c'est un film que j'adore. C'est un film que j'adore et qui compte énormément pour ma cinéphilie. Parce que c'est, le 1 et le 2 sont des films que j'ai découvert assez jeune et que j'ai adoré vraiment voir et qu'aujourd'hui, je prends énormément de plaisir encore à revoir. Qui n'ont pas vieilli, tu l'as dit, qui n'ont pas vieilli. Et ouais, c'est juste dingue ce que Del Toro arrive à en faire. Selma Blair, alors ça va te faire peur, hein, mais ses trois derniers films, c'est Mom and Dad. Ah oui, bah oui, elle joue dedans, elle joue la copine, la femme de Nicolas Cage. Et After chapitre 1, After chapitre 2. Je vais pleurer, je vais juste pleurer. C'est ses deux derniers films, voilà. Ah merde. Voilà, voilà. Et, ah. Du coup, un truc que j'aime bien aussi dans Hellboy qui n'a pas vieilli et qui pourtant c'est très casse-gueule, c'est l'humour. L'humour fonctionne très bien. Alors, d'habitude, ce genre de grosses productions de l'humour, c'est à risque, quoi. Bah, il me semble que ça vient du comics, et surtout, t'as parlé de l'humour, mais même en général, tout le scénario se tient, et c'est, enfin, à nouveau, toi qui l'as vu récemment, tu pourras peut-être plus dire, plus te souvenir que moi, mais c'est un film, il te donne tout ce que tu peux attendre de ce genre de film. T'as du monstre, t'as de l'effet spécial, c'est-à-dire la créature de fin qui est une espèce de monstre Lovecraftien hallucinant. Il y a de la tatane aussi. Il y a de la tatane. Le gun de Hellboy. C'est. Ouais, c'est Hellboy 1, Hellboy 2. C'est pas mes Del Toro préférés, mais c'est. Enfin, Del Toro, c'est un tueur. Enfin, il n'y a aucun de ses films que je trouve qui est vraiment mauvais. Même Mimic, qui est un film compliqué, qui s'est fait dans la douleur. Je le trouve qu'il tient vachement bien la route. Enfin, Del Toro, c'est juste un tueur. Moi, j'adore ce qu'il fait. J'adore ce qu'il peut proposer. J'ai pas encore fini son cabinet de curiosité. Mais pour l'instant, à part un épisode que j'ai haï de toute mon âme, je trouve que ça reste encore une peut-être parmi les meilleures propositions d'horreur qu'on a eues cette année. En même temps, en termes de série, il y a eu des masses. Hein. Bah, série, même film d'horreur. Je veux dire, les films d'horreur de cette année, on fera un bilan. Hein, mais, c'est vrai que c'est vrai. On a eu le massacre à la tronçonneuse 2022, on a eu Morbius. Enfin, c'est. The Requin. Ah oh, putain, The Requin, tu l'as vu? Non, j'avais pas. Ah, The Requin, c'est dur, The Requin, c'est dur, c'est, faut pas faire ça. Donc, ouais, et là, pour le coup, il arrive, et à part. Toi, t'as vu jusqu'à quel épisode du Cabinet des Curiosités? J'ai vu que les deux premiers, parce que après, il y a Mercredi qui est arrivé et qui a fait regarde ça, et voilà. Ouais, mais Mercredi, moi, je très. C'est peut-être ce que Burton a fait de mieux depuis quelques années, en même temps, tu me diras, c'est peut-être pas étonnant, donc. On en parlera de toute façon dans l'épisode fin d'année. On en parlera, mais tu vois. Et là, tu vois, les deux premiers épisodes, ça se tient super bien. Et après, ouais, le quatrième, je le déteste, qui est réalisé par quelqu'un que je trouve être un peu une arnaque, qui est Anna Lily Amirpour. Qui n'est pas Olivier Marshall, étrangement, mais. Del Toro, enfin, pardon. Olivier Marshall qui bosse avec Del Toro, c'est une vision que je ne souhaitais pas avoir, mon cher. Et ouais, vraiment, Hellboy, c'est waouh, vraiment, revoyez-le. C'est un film fantastique, c'est un film vraiment, vraiment dingue et qui mériterait d'être plus connu. Et on parlera de version 2019 lors de l'épisode Neil Marshall. Et waouh, c'est sportif la version 2019. Hein, c'est dur, c'est vraiment dur. Et je propose d'enchaîner après Le Garçon des Enfers, Le Vieux Garçon. Hellboy, qui est un chef-d'œuvre absolu, ultime et indétrônable, qui est. Enfin, Hellboy, c'est compliqué d'en parler. C'est un film générationnel, c'est-à-dire qu'un film comme ça, t'en as peut-être un tous les 20 ans, tu vois, tous les 10 ans. Et tu l'as vu toi ou pas encore? Non, pas encore. Ah bah c'est. Comment dire? Je vais faire court et juste te dire que c'est. Je pense un des films qui m'a fait m'intéresser au cinéma asiatique. Et Melvin, tu me connais. Tu sais que le cinéma asiatique, c'est mon violon dingue, on va dire. Oh oui, l'horreur et l'asiatique. le fantastique, ça reste en général. Et ouais, là, tu te dis juste que c'est. Bah, qu'il est trop fort, qu'il est juste vraiment trop fort et qu'il arrive à proposer une œuvre extrêmement complète, extrêmement aboutie. Et qui reste dans le temps, qui reste dans le temps, qui reste en tête. Là. Et il n'y a pas un côté de All Boy que je trouve raté. C'est-à-dire la musique, elle est folle. La mise en scène, c'est Park Chan-wook. On l'a encore vu avec Decision to Leave cette année. Il est au-dessus de, je sais pas, de 90% de la production actuelle mondiale. L'acteur Choi Min-sik, qu'est-ce que tu veux rajouter sur lui? Le scénario qui arrive en même temps à rester fidèle au manga dans l'adaptation et qui en détourne juste ce qu'il faut pour être complètement dingue. Vraiment, Old Boy, c'est un film que je trouve incroyable. C'est un film comme ça, t'en as pas deux, c'est ultime. Et la trilogie de la vengeance qu'il y a autour est une œuvre extrêmement importante dans ma vie de cinéphile également. Et qui aura lui aussi eu un remake avec Josh Brolin par Spike Lee. Remake de mort Mais qui est vraiment dur. pas là-dedans qu'Elisabeth Olsen. Si, si, si, et c'est pour ça que je l'ai en Blu-ray d'ailleurs. Je détaillerai pas sur comment ni pourquoi, mais oui, là-dedans, il y a Elisabeth Olsen. Allez, on reste dans le cinéma asiatique avec un film que je n'ai pas vu. Et on arrive au fameux film thaïlandais que je t'ai teasé. Oui, tu m'as teasé un film thaïlandais. Pong Bak. Ah, avec Tony Jaa. Ouais. Film de Tatane. Un des films thaïlandais qui est donc les plus connus en France. Donc c'est pour ça Bah, que. parce qu'il a été distribué par ce salopard de Besson. Oui, il me semble. De distribution Europacorp. Et je propose avant tout, est-ce que je vais, c'est à moi de te faire deviner quelque chose. Devine qui est à la BO sur Ong Bak 1. Qui fait la musique de fin de Ong Bak 1? Un compositeur ou un groupe? C'est un groupe de musique. Attends, années 2000, rock. Non, rap. Oh, rock. De rap français. Putain, si c'est NTM. Non, non, non, non, non. IAM. Non, ch cherche moins noble. Ah, je les connais pas des masses en. Tragédie. Oh, non, mais vraiment? Ouais, vraiment. Et devine qui fait la BO de Ong Bak 2? Camaro, Femme Like You. Non. Section d'assaut. Oh, mais pourquoi? Je te rappelle qu'à la fin de du jour d'après, t'as Chimène Badi, mec. Du jour d'après? Ouais, D'où tu parles là, d'ailleurs? dans la fin du jour d'après, tu peux chercher le clip de le jour d'après de Chimène Badi. T'as des images du film, c'est BO officiel. Okay. D'accord, Chimène Badi, dans le jour d'après, de Roland Emmerich, un truc américain. Ok, mais tragédie dans un truc thaïlandais, pourquoi? T'as du Jul dans Triple XO3. Oui, non, mais Triple XO3 aussi. Non, et Non, Ong Bak, tu l'as pas vu, toi? un Moi, thaïlandais, j'aime bien. autre chose. Moi, j'aime bien la Tatane. Je dois admettre, c'est pas mon film de Tatane asiatique préféré. Je pense que ça doit être The Raid. Classique, mais The Raid ou peut-être les trucs genre Night Comes For Us, les trucs indonésiens extrêmement bourrins. Et Ong Bak, moi, j'aime bien. Il y a des chorégraphies de combat très impressionnantes. Je me rappelle qu'il utilise beaucoup ses genoux. Voilà. Wow. Ah non, c'est très précis, hein. Et après, j'avoue que j'ai vu la suite, Ong Bak 2, qui était sympa. J'ai pas encore vu le 3. Mais Ong Bak, je dois admettre, malheureusement, à part les tatanes, j'ai assez peu de souvenirs. Je me souviens qu'il y a Tony Jaa, qui on a revu après dans Triple Threat et dans The Protector. Très bon film d'ailleurs, The Protector, en termes de tatanes. Mais mis à part ça, c'est un peu faible pour moi, Ong Bak. Même si c'est un film, en effet, qui aura marqué. Le cinéma d'action mondial, et c'est à nouveau dans cet avènement de, enfin, dans ce déferlement, pardon, de cinéma asiatique qu'on aura eu dans les années 2000, qui est très soudain, hein, qui est arrivé début 2000 et qui s'est tari, on va dire, en 2009-2010. Et En quantité, pas en qualité. j'aimerais quand même citer la fin du résumé. Action, cascade et course-poursuite vont désormais guider sa quête. Et moi, je trouve que ça vend du rêve quand même. Ah oh, putain, mais dans ça, le résumé quoi? C'est le résumé Wikipédia. Ah oh, quelle horreur! Mais ça me faisait beaucoup rire. Allez, on va passer sur un autre film d'action, moins de tatane, mais un peu d'action quand même. La mort dans la peau de Paul Greengrass, donc le deuxième volet de Jason Bourne. Tu sais que j'ai jamais vu un seul Jason Bourne. Oh, moi, je les ai vus. Alors, le problème, c'est que je les ai vus beaucoup de fois quand j'étais petit, mais plus jamais après, parce que mon père est fan. Mon père, c'est Jason Bourne. Tu vois, presque, il préfère ça à James Bond. Assez rude quand même ça. Non, mais quand même pas. Enfin bref, Jason Bourne, je les ai vus, mais un nombre incalculable de fois. Le seul problème, c'est que je peux pas dire quel Jason Bourne et lequel. Déjà qu'ils ont quasiment tous les mêmes titres. Ce qui est pas forcément. Ouais, c'est la mort, la mémoire et la vengeance, je crois, Ouais, dans la peau. la mémoire d'abord, du coup la mort et la vengeance. Et alors c'est très drôle parce que donc c'est Matt Damon qui joue Jason Bourne et ils ont fait Jason Bourne l'héritage avec Jeremy Renner. Et alors mon père, à chaque fois que je lui parle ça, il a deux doigts de la crise cardiaque. Hein. Genre, oh non, Jeremy Renner, jamais de la vie. Il est traumatisé par ce film. Bah écoute, moi je n'ai jamais vu aucun, donc je serais curieux de les découvrir, écoute, mais Et c'est pas mal du tout. Après, c'est pour le coup de ce sujet, ça fait très film d'action des années 2000, tu vois. c'est-à-dire le montage cut, c'est Paul Greengrass, je viens de voir, j'avais vu son Bloody Sunday. Moi, je crois que j'ai rien vu de lui, de toute façon, à part ça. Et il avait fait un film sur les avions du 11 septembre. Je sais plus comment il s'appelle, mais qui était pas mal. Il me semble que c'est un documentariste à la base. Il me semble qu'il vient du monde du documentaire. Donc, faut. C'est bien filmé, hein. Mais je retiens surtout cette scène qui était reprise pareil un nombre incalculable de fois où il passe à travers la fenêtre entre deux immeubles et arrive dans une salle de bain. T'as sûrement dû voir passer cette scène. Là, comme ça me dit rien. Là, comme ça me dit rien. Entre deux immeubles, il doit passer d'un immeuble à l'autre et il saute entre les deux et il traverse une fenêtre. C'est une scène qui a été reprise dans plusieurs films. Non, après, je trouve ça quand même bien vieilli pour un film d'action d'époque. Genre, on n'est pas sur un John Statham, quoi, tu vois, Ah, le transporteur, ça c'est compliqué, hein, le transporteur. ça n'avait pas en 2004, pourtant, on était vraiment dans la bonne époque. Non, mais le transporteur, j'aimerais bien ne jamais le revoir, si possible. Que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, hein, je ne veux jamais le revoir. Je n'ai toujours pas vu le 4. Ah, Avec c'est pas le pire. Kind, quand tu veux Jason Statham et qu'il n'est pas dispo, tu prends It's Kind. Oui, putain, c'est le méchant dans Deadpool Deadpool. 1, non? Ouais, mais je pense qu'il voulait John Statham, il a dû dire non, ils ont fait OK, it's kind. On va prendre ton sosie hongkongais, enfin ton sosie, la contrefaçon hongkongaise. Mec, il est mauvais, mais jusqu'au bout, quoi. Mais en plus, je crois que dans Death Race 2 ou 3, je sais plus, je crois que c'est lui, hein. C'est it's kind encore. Dans quoi? Dans Death Race, course à la mort. Ah putain, course à la mort! Je crois que dans les suites, comme c'est plus Jason Statham, je crois que c'est it's kind. Genre, vraiment, ce mec, quand t'as plus Jason Statham. Tu prends lui. Y a moyen que ce soit. Il a pas joué dans un UV Ball aussi? Il a fait un Hitman, je crois. Ouais, bref, en tout cas, voilà. Bah, j'ai pas vu le Jason Bourne. Du coup, je serais curieux de les voir. Mais écoute, si tu me dis que ça va pas trop vite, bah, j'essaierai de Peux découvrir cela. toujours voir le premier, hein. Sinon, on est à 5 après. Enfin, 4 et 1 dérivé. Ouais, surtout, y en a eu un dans les années 2010, non? Qui était sorti après? 2016, qui s'appelle sobrement Jason Bourne, avec Alicia Vikander, ce qui n'est pas pour me déplaire. Non! Ouais, j'allais dire, genre Alicia Vikander? Non, je ne l'ai pas en Blu-ray. Contrairement à d'autres. Non, Il y avait ça. tu ne l'as pas encore en Blu-ray. Je ne l'ai pas encore en Blu-ray. Allez, un film que cette fois je sais que tu as vu, que j'ai vu aussi. Je te le fais deviner. Sur un scénario de James Gunn. Ah, non, non, bah non, j'allais dire Horribilis, mais non. Non, ah non, juste le scénar de Ouais, James juste le scénar. Gunn. Remake. Un remake. James Gunn, il a scénarisé un. Remake de quel genre? Horreur. Non, pourquoi je peux le mettre? Je sais. Un autre indice, peut-être? Ouais, c'est vrai que tu as trouvé. Ça se passe dans un centre commercial. Ah, l'armée des morts! Ouais. Ça tue sa mère! Remake donc de Zombie de George Romero. Excellent remake par Zack Au Snyder. final, ouais, par Snyder. Mais c'était trop simple de dire Snyder, tu vois. Oui, Snyder, j'aurais trouvé direct. Et 2004, film qui a étonnamment, je trouve, pas trop vieilli non plus. Donc dans Bah, ses... qui est... En fait, on va dire qu'il a une photo qui bave un peu années 2000. Mais niveau des effets, des zombies et tout, ça passe. Bah, c'est du prosthétique, ça vieillit pas. C'est vrai. Alors, si parfois, quand même. Hein. Tu trouves? J'ai vu un film il n'y a pas longtemps, c'était pas terrible, je sais plus si c'était. Mais genre, ça faisait vraiment marionnette, quoi, tu vois. Bah, pour le coup, moi, L'Armée des Morts, je sais que c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, qui est très très gore, qui est beaucoup plus énervé que l'original, qui a une scène d'intro vraiment impressionnante. Et alors, à la fin, dans le générique de fin, t'as du néo-métal, on en parlait tout à l'heure. En même temps, Zack Snyder, James Gunn, je sais pas, ça m'étonne vraiment pas pour le coup. Et pour le coup, moi, L'Armée des Morts, j'aime vraiment beaucoup. Il y a des scènes vraiment dingues. Je veux dire, la scène du bus au milieu de l'océan de zombies, là, c'est quand même impressionnant. La T'as le. femme a marqué. Ah, la fin sur l'île. Ouais. Ouais, qui est assez noire. Vraiment, c'est. Non, c'est un film qui est cool, qui est vraiment super chouette, L'Armée des Morts. Qui n'a plus la. On va dire la finesse de propos de l'original. Qui Ah non, mais perd c'est ça, mais au bourrin quand même. profit. Comment? C'est quand même très bourrin. Hein. Oui, c'est beaucoup plus bourrin, mais qui en même temps réussit à garder une vraie intelligence dans ce qu'il veut dire, en attendant plus tant sur la société de consommation que plutôt sur l'idée de communauté, que je trouve assez intéressante. Et c'est un film qui est tellement fun. Déjà, alors, en director's cut, il est très très gore. Hein. Vraiment, c'est très très très très très énervé. Et c'est un film qui, au global, arrive à être. Enfin, vraiment être dans ces remakes qui comptent, qui sont pas là juste pour faire joli, mais qui sont pertinents, qui apportent quelque chose et qui doit être dans les remakes des années 2000. On parlait de The Grudge tout à l'heure. Lui, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs, avec celui de La Dernière Maison sur la Gauche, qui est vraiment un remake, mais que j'adore au plus haut point. Et qui est le premier film de Zack Snyder en plus. Ouais, premier bas, qui à la base était un Ah clipper. Donc ouais, c'est ça. Et non, vraiment très très bon film, très bon film. Moi j'aime vraiment beaucoup. Et c'est bah Zack Snyder, il était revenu aux zombies avec Army of the Dead en 2019-2020, 2021. qui était moins. J'avais bien aimé. Mais Oui, mais c'est moins bien, c'est beaucoup moins bien. oui, après, c'est, en fait, je trouve ça, à part qu'il y a des zombies, je trouve ça difficilement comparable parce que c'est vraiment pas le même genre d'histoire. Oui, mais au global, Army of the Dead, ça reste plus, comment dire, moins, Fun. bah moins fun, mais juste c'est beaucoup plus teubé en fait. C'est vraiment beaucoup plus teubé. Ouais. Mais Donc voilà, c'est pour moi Army of the Dead, c'est un oui. Enfin, Dawn of the Dead, Dawn of the Dead, donc l'armée des morts en français. Enfin, ce titre à la con quand même. alors que les Québécois. L'aube des morts. Alors que Arm of the Dead, du coup, l'armée des morts. Eux, ils étaient intelligents. Eux, ils ont anticipé les problèmes. Voilà. Et alors, je sais sur un film que je n'ai pas vu et que je sais que tu aimes beaucoup, avec Hugh Jackman. Et non, ce n'est pas X-Men 2. Real Steel? Non, c'est plus récent ici, c'est de 2008, comme ça. Non, non, de un film, attention, américano-tchéco-roumain. Parce que ça me fait quand même beaucoup rire. The Fountain? Non. Alors, il te reste un. Stephen Sommers. Ah putain, Van Helsing! Ah oui, 2004. Chef-d'œuvre! Chef-d'œuvre, Van Helsing! Je voulais le voir pour l'épisode parce que je sais que tu le vends. Alors non, c'est pas un très bon film. Non, mais tu le vends quand même, hein. Mais c'est tellement généreux! C'est un film qui veut ton bien! C'est un film, ça te veut pas de mal! C'est génial, Van Helsing. Van Helsing, c'est incroyable, vraiment. Je pense que c'est sans rien un des films que j'ai dû le plus voir dans ma vie. C'est un film qui est tellement généreux, qui est tellement. Qui te propose tellement de trucs. Dans le même film, t'as Dracula, t'as le monstre de Frankenstein, t'as des vampires. Comment tu veux ne pas aimer un film pareil? Moi, ce qui m'a vendu le film, je veux te voir, c'est pour Jekyll et Hyde. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, non, vraiment, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Et en grande question, je n'ai pas vu, c'est ce genre de film qui vieillit très mal. Oui, alors non, les effets spéciaux sont à vomir. Et c'est le genre de film où il y a du néo-métal. Est-ce qu'il y a du néo-métal? Pas dans mes souvenirs, mais la musique composée par Alan Silvestri, elle est géniale. La musique, elle est vraiment géniale. Et je voulais le voir, mais il était censé être sur Netflix. Et puis le jour où je le vois, il n'était plus. Je crois qu'il est parti de Netflix, ouais. Un peu le seum. Mais vraiment, c'est un super film. Vraiment, super film. Il y a beaucoup de défauts, en premier lieu techniques, mais la réalisation, elle est super. C'est Stephen Sommers, c'est vraiment quelqu'un qui manque. Et Van Helsing, c'est un film que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Malgré tous ses défauts, dont je suis bien conscient, évidemment. C'est le gars de la momie, on est d'accord. Oui, bah oui, Stephen Sommers de la momie 1 et 2, pas du 3. Hein. Le 3, c'est réalisé par Rob Cohen, qui est quelqu'un dont j'aimerais bien ne jamais entendre parler. Ne jamais réentendre parler. Voilà, petite parenthèse, Vanessa, je suis celui-là, je le mets pour toi. Il est Ah, là. mais, sache que ça me touche beaucoup. Et là, on va parler d'un film avec. Ah non, il n'y a pas de vampire, remarque, mais avec toujours des trucs en plus plastique. Un gros, gros, gros film de 2004. Ça ne m'étonne même pas que ce soit dans le box-office, j'avoue, je l'ai pas en tête. Mais d'une saga. Je sais pas. Harry Potter. Lequel? Le 3. Ah, le meilleur. Azkaban. T'es dans les années 2000, il y a forcément Harry Potter. Tous les ans, il y a Harry Potter. Ouais, après pour le coup, le 3, c'est quand même le meilleur. Enfin, je trouve que le 3, c'est déjà, bah déjà, il y a un auteur derrière. Je préfère le 4. Bah, le 4, je l'aime bien aussi. À une époque, c'était mon préféré, mais quand j'ai revu le 3, j'avoue, je m'étais pris une sacrée claque. Là, je trouve que la BO du 3, elle est incroyable. Le thème Window to the Past, il est mais sublime. Et ouais, le 3, c'est. Je trouve qu'il y a le plus d'émotions, il y a le plus de. C'est le plus juste, on va dire, dans ce qu'il a, dans le commentaire qu'il veut faire sur l'adolescence et bah, toutes les métaphores sexuelles, on va dire, hein, il y en a pas mal. Et c'est. Non, vraiment, je pense que c'est mon préféré. Et puis bon, ça le fait par Alfonso Cuarón, alors moi, tu sais, je ne peux pas être objectif quand il s'agit d'Alfonso. Et oui, c'est le plus sombre, c'est comme tu dis, c'est un des plus, à part, non, après, dans les derniers, c'est très studio, quoi, mais c'est un de ceux qui a le plus de d'identité, je trouve. Bah en fait, il est sur ce mélange très fin. En fait, les adolescents sont encore, enfin les personnages, les trios de héros sont encore dans l'âge entre guillemets jeune, et donc ils sont pas encore capables de se défendre face aux forces du mal. Mais en même temps, ils commencent à avoir des histoires d'adultes. Donc tu confrontes des jeunes face à des récits beaucoup plus adultes et matures, et forcément, ça donne un mélange qui pourrait être casse-gueule. Mais qui fonctionne super bien parce que derrière t'as Quaron, et Quaron, bah c'est juste un génie en fait. Le mec s'est filmé. Bah dire qu'il s'est filmé, c'est pas peu dire quand le bonhomme a sorti quand même, genre, je sais pas, Les Enfants de l'Homme, Gravity, Roma. Il est trop fort, il est juste trop fort et il faut s'y faire. Et surtout, il est souvent comparé à Iñárritu aussi, notamment par sa mise en scène du plan séquence. Sauf que d'un côté, t'as Iñárritu qui fait du beau et du fort juste pour flex et pour dire, hey, t'as vu comme je suis trop fort. Et de l'autre, t'as Quaron qui est juste là parce que c'est des. Enfin, les enfants de l'homme, c'est une démonstration de force de comment le plan séquence peut servir l'implication du spectateur dans le récit. C'est vraiment, vraiment hallucinant. Les fils de l'homme. Les fils de l'homme, pardon, pardon, pardon. Avec Clive Owen qui prouve encore une fois que c'est un acteur beaucoup trop sous-estimé. Ouais, mais bon, ces choix de carrière parfois sont un peu Tu penses à Shoot 'Em Up? particuliers. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire là-dedans aussi, quoi? Bah, c'est pas horrible, Shoot 'Em Up, mais ouais, c'est pas les projets qu'il lui faudrait, quoi. Ah non, non, non, ça c'est clair. Allez, je pense d'accélérer pour finir, parce qu'il en reste quand même à peu près 10. Ouais, ça devrait aller. On va parler du premier film que j'ai vu au cinéma. Je vais comprendre tout de suite maintenant mes goûts cinématographiques quand tu vas voir le premier film que j'ai vu, Shrek 2. Oh, ça va, c'est bien Shrek 2. Ah, mais justement, je ne dis pas que c'est pas bien. Mais tu vois, mon frère a commencé par Ratatouille, moi je commence par Shrek. Beaucoup mieux. Tout de suite, t'es dans le trash. Voilà. Non, Shrek Shrek 2, 2, c'est le tu le premier. préfères au 1 ou pas? Tu fais partie de cette team? Ouais. Je le préfère. Je préfère le 4. Ouais. Non, c'est pas vrai. C'est Oh, j'ai eu très peur. Non, je le vois le 2. Ah, c'est kiff-kiff, hein, parce que souvent, je me demande. C'est un peu comme Snatch, un lacrym botanique, tu vois. Genre, oui, je préfère un, mais en vrai, c'est kiff-kiff. Shrek 2 et Shrek 1, c'est pareil. Je préfère le 2, mais pas de grand-chose. Genre, j'adore les deux, quoi. Ah, moi, j'avoue que j'adore le 1, le 2, je sais pas pourquoi, j'en ai un souvenir moins bon, mais beaucoup moins bon. Il y a la marque. Mais. Bonne fée. Ouais, mais la bonne fée, elle m'a jamais trop fait rire. Moi, j'ai trouvé juste creepy. Le prince charmant, c'est le meilleur personnage. Le mec est débile à souhait, quoi. Je trouve Ouais, rien. non, charmant, il est débile, oui. Charmant, il est incroyable. Le mec, il veut juste pécho, quoi. Avec la pub L'Oréal, là, avec les. Oui, où il prend son Happy Meal. Ça me fume, cette scène. Il prend Je m'en un rappelle Happy pas de ça. Meal. Et t'as la marraine, la bonne fée, dans une espèce de carrosse, là. Ouais. Elle s'arrête à un endroit où tu penses qu'elle va tuer le père de Fiona. Et en fait, on ouvre la fenêtre et t'as deux mains qui sortent et qui font « Qu'est-ce que vous voulez comme commande? Voici votre commande. » Et lui, le prince charmant, il a un Happy Meal et le jouet, c'est une espèce de grosse hache énorme, là. C'est les trucs de garde. Je me rappelle pas de ça. Mais ça me donne envie de le voir. En fait, Shrek 2, ça. Ça fait quelques temps que je me dis qu'il faudrait que j'y revienne. Parce que c'est. Bah, j'aime tellement le 1 que j'aimerais bien tenter le 2. Donc, faudrait que je vois. Faudrait que je vois. Mais déjà, le 1, c'est. Le 1, Enfin, c'est le 1, c'est fantastique. Le 1, c'est génial, quoi. Et sache-le, Shrek 2 a été nominé pour la Palme d'Or. On ne l'a pas eu. Mais Et voilà. c'est très dommage. C'est très dommage quand même que Shrek 2 n'ait pas de Palme d'Or. Encore une preuve que Cannes, les jurys de Cannes n'ont pas toujours bon goût. C'est politique, hein. Shrek 2, voilà, c'est Shrek 2, le problème, c'est que c'est pas assez politique, c'est pas assez. ça. Il aurait fallu porter un message plus fort. Tu vois, genre Marraine de la Bonne Fée en George W. Bush. Ah, je pense que ça aurait eu un charme. Avec la voix de George W. Bush, oh, le truc, mais... Oh, quelle horreur. oh. Tu castes George W. Bush pour la voix de la bonne fée. Parfait, parfait. Et non, parce qu'on avait quand même le casting est dingue en plus en VO. Cameron Diaz, Jamie Mike Foxx. Myers, Eddie Murphy et Antonio Banderas, c'est le chapeauté dans le 2, qui n'est pas dans le 1. Oui, ça, là, c'est un avantage du 2. D'ailleurs, j'attends beaucoup le chapeauté 2. Il a l'air vachement mieux que le 1. Donc, En même temps, est-ce vraiment dur? non. Mais non, c'est vrai que. Ah, c'est vrai qu'il y a, c'est vrai qu'il y a le, c'est vrai que le poté, il apparaît dans le 2. Ah oui, il apparaît que dans le 2 avec Antonio Banderas en VO et C'est dans le 2 ou dans le 3, l'attaque du château par Petit Biscuit? avec le pape pâtissier, c'est dans le 2. Ah ok, d'accord, donc c'est le 2 qui est bien. Oui, le papa tissier, voilà. C'est le 2 qui est bien, c'est le 2 qui est bien. Voilà. Et si ça t'intéresse, donc c'est Antonio Banderas qui fait le chapeauté en VO et en VF, c'est Boris Rélinger, qui n'est autre que la VF de Jason Statham. Parfait. Et donc maintenant, quand tu vas voir le chapeauté 2, si tu vas le voir en Ouais, VF, je tu penserai auras à Jason. Jason Statham avec un accent espagnol. Et ça, c'est magique. Et on peut aussi peut-être recommander, bah, je pense que tu approuveras, mais l'excellente vidéo de la suite de trop sur Shrek 4 Oui. qui explique pourquoi c'est de la merde, on va dire tout simplement. Parce que bon, Shrek 3, je m'en rappelle pas du tout. Voilà. Né, mais c'est tout. En fait, je crois que j'ai jamais revu depuis, donc autant dire que je suis jeune. Shrek 4, je m'en rappelle, mais pas pour les bonnes raisons. Je me rappelle juste que c'était une matrice du cringe assez forte quand même. Bah, si, il y avait le. Comment il s'appelle? Le joueur de flûte. Ça, c'était marrant. Enfin, voilà. Ouais, marrant, marrant, faut le dire vite quand même, hein, Mais non, ouais, le 2 et le 1, c'est vraiment. Ils sont largement au-dessus des deux autres. bon, on s'arrête après ces deux-là, quoi. Voilà. Et c'est pareil, ça n'a pas vieilli, Shrek. Bah, c'est de l'animation, donc c'est un peu plus L'animation. compliqué de dire que ça vieillit. Mais c'est vrai que même sur les gags ou autres, en fait, ça a le bon goût de ne pas se reposer sur des gags trop d'actualité. C'est-à-dire, il y a quelques jours, je suis retombé sur une scène de Scary Movie, je sais plus lequel. Ce sont des films que je déteste, notamment parce qu'en fait, la moitié des gags sont des gags qui se basent sur l'actualité de l'époque, mais de l'époque où ils sont sortis, et qui donc les rendent impossibles à voir plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Scary Movie, je crois que c'était le 3 ou le 4, c'est Ouais, en fait. impossible à revoir, parce que t'as la moitié des gags, bah t'as plus les références, tu ne sais. Là, c'est souvent des publicités ou autres qui sont connues, et donc bah, tu te dis juste qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus du tout. Puis c'est un peu cringe aussi, hein. Oui, non, mais Scary Movie en général, c'est de la merde, mais. J'ai vu Scary Movie 1, je n'avais pas aimé. Et juste, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, et pourquoi je ne testerais pas le 2? J'ai grandi les mecs. J'ai commencé le 2. Oh, il est dur. Hein, c'est... Ah, mais alors, le 2, je lance. Ça commence sur une scène de l'exorciste où l'autre, elle se pisse dessus, mais hyper longtemps. Et genre, ça dure, mais 3 minutes. Et là, j'avais, ouais, je vais peut-être regarder un autre film, en fait. Voilà. Moi, j'ai dû voir le 2 et le 3 en entier, c'est tout. C'est atroce. Non, regardez Shrek. Avec une BO un peu rock, année 2000. Ouais. Oui, bah, je pense que la BO, pas besoin de détailler. La BO, c'est... Et la BO, elle est culte. Et même la musique composée pour le film, même la musique composée, elle est chouette. Ah oui, c'est le thème qui m'a toujours fait penser un peu au Seigneur des Anneaux, la version Shrek. Ça m'a toujours fait penser. Ce qui est un mélange qui, ma foi, me plaît bien. Shrek avec l'anneau. Mon précieux. Allez, enchaînons sur le dernier film français de la liste, qui est celui qui est le plus resté en tête, je pense, Les Choristes, mais que je n'ai pas vu. Que j'ai vu il y a ultra longtemps, je m'en rappelle absolument pas. Je m'en rappelle absolument pas, à part de la musique qui est culte et éventuellement d'un remix électro de la musique sur YouTube qui est vachement bien. Ouais, c'est un film qui a quand même marqué les Césars aussi, ça a vu le César du son et de la musique. Oui, bah la musique elle est connue quoi, la musique c'est... Et ça a été nominé pour le meilleur film, meilleur acteur, meilleur second acteur, meilleure réalisation, meilleur décor et meilleur premier film. C'est qui à la caméra? C'est Christophe Baratier. Il aura fait quelque chose d'autre depuis ou pas du tout? Oui, il avait fait La Nouvelle Guerre des Boutons. Wow, et... que... oui, ok. Et cette année, il a fait Le Temps des Secrets. C'est parce que j'ai vu les bonnes annonces, donc je connais, mais voilà. Enfin, il n'a jamais rien fait de fou. Il a fait une fresque musicale sur Jésus. Wow. C'est... Ouais, bon, Christ 2. Wow. Je pense qu'on sait de quel bord il est, ce bonhomme. Il avait fait L'Outsider, ça avait fait parler un peu. Je ne connais pas. Mais c'est le mec qui sur les bourses. Ouais, c'est ça, c'est un gars qui intègre la Société Générale en 2000. Il intègre sa mini-salle des marchés. Et c'est un trader, en fait. Ok. Bah écoute, j'ai jamais vu, mais pourquoi pas. Même si Les Choristes, il faudrait que je l'envoie à Les Choristes. Je serais curieux de voir comment on le prend aujourd'hui. En plus, c'est un film d'époque. Donc, ouais. Voilà. Mais ça a quand même une grande renommée dans le cinéma français. Oui, c'est culte, ça c'est sûr. Être considéré comme un des meilleurs rôles de Gérard Jugnot. Voilà. Oui, moi personnellement, ça restera dans Les Bronzés. Mais... Enfin, Les Bronzés font du ski spécifiquement. C'est le même rôle. Attention. Ouais, mais dans Les Bronzés font du ski, il est plus. Il a un nombre de répliques cultes qui, à la seconde, qui est assez ébouriffant. J'aime vraiment beaucoup Les Bronzés font du ski. C'est, La scène des skis qui sont pas à lui, c'est Gérard Jugnot. Oui, non, mais surtout, moi, une scène qui m'explose, c'est quand il entre dans le magasin de ski et demande à Thierry Lhermitte, hey, on est entre amis, tu nous fais une petite ristourne. Et tu vois Thierry Lhermitte qui monte, je vais demander. Et à un moment, il fait non, l'argent, tout ça. Et après, tu vois Thierry Lhermitte qui monte, qui explique, donc tu sais, pour la location, la gérante du magasin demande une pièce d'identité. Et Thierry Lhermitte fait non, mais ce sont mes amis. Et tu vois la gérante qui fait justement. Et ça me fait beaucoup rire. Ah, un jour, on parlera des années, c'est quoi, 60. Bah écoute, faut pas qu'on fasse un intégral Les Bronzés. Enfin, faut pas, parce qu'il y a le 3 quand même qui est. J'ai jamais vu. Ah, le 3, c'est une merde. Hein. Le 3, il est vraiment. Bah, le 3, tu vois que surtout que c'est la limite de leur style parce que c'est plus drôle, c'est juste méchant. Et ça rend le visionnage vachement moins agréable quand même. Ouais. Allez, on enchaîne après le dernier film français, le dernier film asiatique qui a donné un remake, lui aussi. Mais un remake réussi, pour une fois. Un remake réussi... Si, s'il y a eu un remake américain. Alors, réussi universellement ou réussi selon toi? Je l'ai pas vu. Je veux aucun des deux. Mais réussi universellement. Dans ton remake, tu pars bien, quoi. Un autre indice, peut-être? Dans le remake, il y a DiCaprio, Matt Damon... Ah, Infernal Affairs. Ouais. Donc, de Andrew Lau. Ouais. Que dire? Il y a des questionnements sur les talents de metteur en scène de Andrew Lau, des questionnements légitimes, je pense. Et bah en fait, Infernal Affairs, c'est peut-être son meilleur film. Parce que Andrew Lau, c'est pas quelqu'un que je trouve toujours très bon dans sa mise en scène. Et bah là, Infernal Affairs, il s'en sort bien. Toi, tu l'as vu, tu l'as pas vu, Infernal Affairs? Non. D'accord, parce que pour le coup, Infernal Affairs, enfin la trilogie est intéressante. Est intéressante, on va dire. Mais Pour mieux le remake. je sais pas. Moi, j'aime bien l'original. J'aime bien l'original, mais c'est vrai que le remake est plus tenu. On va dire le remake, c'est Scorsese, c'est quand même pas fait par un manche. Et tu sais quoi, maintenant que tu le dis, je me demande si je préfère pas le remake. Après, Infernal Affairs, ce qui est intéressant, c'est que la trilogie en général est pas mal. Moi, j'aime bien le 3, qui est pas le plus apprécié, j'ai l'impression. J'aime bien le 3. Mais maintenant, c'est vrai que le remake a un côté plus pop et plus. Comment dire? Plus rythmé, en fait, tout simplement que. Plus rythmé, plus énergique que peut avoir Infernal Affairs. Donc voilà, c'est après Andrew Lau, j'avais vu, je crois que c'est lui qui avait fait The Captain, qui est un film de propagande et qui était. Et ça, on sait que t'aimes les films de propagande. Bah, si, quand t'aimes le cinéma chinois, malheureusement, le cinéma chinois actuel, c'est compliqué, hein. C'est ça. Et Andrew Lau, il avait aussi fait Chinese Doctors, qui donne la version chinoise du début de la crise du Covid. Je laisse imaginer. Voilà. Andrew Lau, il te fait 8 films par an, par contre. Ouais, c'est un mercenaire, le bonhomme, il enchaîne, hein, c'est. Hein. Je suis en train de regarder, j'étais à 1990, il y a combien de films? 1, 2, 3, 4, 4 films. 4 films en 91. Ah non, mais c'est un fou furieux, hein, c'est vraiment un fou furieux. Ça, mais après, tiens, il avait fait un truc que j'ai pas encore vu, mais qui m'intrigue, je dois admettre, c'est Guillotine. Qui est un espèce de film d'époque, donc pourquoi pas. Ok. Et prochain film. Alors, la transition, il n'y en a pas. Je suis arrivé au point où j'avais des films sans aucune transition. Je te le fais deviner. Vas-y. C'est une suite Ok. américaine, du coup. Parce que là, on va être que sur du film américain pour finir. Ok. D'un diptyque, plus précisément. Ça m'aide pas. Comment je peux te le faire deviner? Là, je l'ai pas. C'est avec Lucy Liu. Pas dans le rôle Ah, principal. Charlie's Angels 2. Non. Non. Un meilleur film. Un Un bon meilleur film? Impossible. film. C'est vrai. Il n'y avait pas Crispin Glover. Voilà, s'il n'y a pas Crispin, ça passe pas. Non, ouais, je te le donne. C'est dur à faire deviner comme ça sans donner trop d'indices. C'est Kill Bill 2. Ah, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre, chef-d'œuvre et. Les du 1 en même temps parce que c'est dur de parler que du 2. Bah, pour moi, les deux sont indissociables. Voilà, c'est pour ça. Donc le 1 qui est sorti, je précise, l'année d'avant, 2003 en France. Pour moi, c'est. Parmi. Ça a l'air con, hein, mais c'est vraiment parmi mes films préférés. C'est des films que j'ai découverts assez jeune et j'étais. C'est la première fois que j'étais initié à une sorte d'esthétique de la violence qui est extrêmement poussée ici. Et puis, je trouve que le 2 a une émotion. Enfin, là où le 1 est beaucoup plus stylisé, beaucoup plus dans l'efficacité des combats et de la violence, je trouve que le 2 Ça. a une émotion qui affleure et qui moi, me touche énormément à chaque visionnage. Et c'est donc pour ça que je préfère le 1. Oui, pas étonnant, pas étonnant. Et c'est dans le 2 où la scène de l'œil. Où elle arrache l'œil à L Driver? Ouais. Spoiler, hein, désolé. C'est dans le 2. Oui, c'est dans le 2. C'est bien dans le 2. Oui. Non, ouais, dans le 2, moi j'ai le problème que je le trouve beaucoup trop long, genre beaucoup de dialogues. J'aime bien toute la partie, ça me fume, ça me fumera toujours, la partie Avec dans. Bud? Non, le truc chinois là, faut que je sais pas trop mouiller, mais dans le temple. Ah, avec. Comment c'est Avec le. Paimei. Et ça m'éclatera toujours quand il remet sa moustache. Moi, c'est un Ouais, truc qui m'a ça! marqué à tout jamais, où il remet comme ça, c'est incroyable. Oui, c'est vrai que ça. Mais vraiment, pour moi, c'est Kill Bill 2 surtout. En fait, Tarantino est critiquable sur beaucoup de points, ça c'est sûr. Mais n'empêche qu'il arrive, il a un sens, il arrive à caler des références souvent de façon quand même plutôt pertinente et pas juste gratuite comme ce que j'entends de temps en temps. Donc non, non, moi Kill Bill 2, c'est un film que j'aime, c'est même un film que j'aime énormément. Il n'a pas et, vu. qui, ah non, bah pour le coup, c'est... Non, je pense pas qu'il ait vieilli tant que ça. Non, c'est vrai, Ah, pas vraiment. Je me pose la question, mais en fait, j'avais vu il y a quelques temps, j'ai enfin pu découvrir la Whole Bloody Affair, qui est le montage des deux remis ensemble avec quelques modifications. Et t'es juste soufflé par à quel point c'est ça reste un film vraiment dingue. Vraiment, c'est un film que j'adore profondément et que je revois tout souvent avec beaucoup de plaisir. Dans les préférés de Tarantino, du coup. Je pense que c'est mon préféré. Je pense que c'est mon préféré. Mais moi, Kill Bill 1 fait partie de préféré, mais du coup, pas Kill Bill 2. Donc, c'est assez dur. Bah, pour moi, les deux, je les considère vraiment comme une seule et même œuvre, en fait. Parce que, à la base, ça devait être comme ça. C'est juste qu'au final, c'était trop long pour ça. Et j'avoue, avoir beaucoup de mal à les dissocier. Alors que ça serait sorti maintenant, il n'aurait pu faire qu'un seul. Hein. Quand tu vois, ouais, quand tu vois la durée des derniers Marvel ou autre, ouais, ça, c'est sûr. Mais bon, gros, gros film des années 2000, du coup, Kill Bill 1 et 2. Et là, on va parler d'un film que je n'aime pas. Que les gens aiment, mais pas moi. Et non, ce n'est pas Le Roi Lion. Connard. Mais pourtant, on n'est pas loin du Roi Lion. On est sur un Disney avec des animaux pour changer. Et un théâtre, c'est Frères des Ours. Oh non. Bon, en vrai, j'aime pas non plus. Je rigole, mais j'aime pas non plus. Frères des Ours, je l'ai vu petit. Hein. Enfin, en plus, plusieurs fois, je crois que j'ai le DVD. Tu sais, les DVD gravés que nous portons. Oui, les fameux. Et ben, il y avait Frères des Ours. Je n'aimais pas ce film. Je sais pas, ça m'ennuyait profondément. J'aimais pas le personnage principal. Ça me gonflait entre le personnage principal qui était chiant et l'autre qui était insupportable. J'y arrivais pas. Ouais, mais ça, c'est parce que t'as pas de cœur. Ouais, mais oui. En plus, il n'y a pas de nazis. Donc, ours nazis. Pourtant, moi, je trouve ça a du potentiel. Et ouais, non, mais après, pour le coup, Frères des Ours, moi, j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un film qui m'a pas laissé beaucoup de souvenirs. J'en ai un souvenir sympa. Je rappelle que la BO est faite par Phil Collins. Oui, en français, comme Tarzan. Ouais, qui dit « Dites à mes amis que je m'en vais ». Mais à part ça, je saurais pas dire grand-chose sur le film, malheureusement. Et je ne savais pas du tout. Et du coup, c'est parce qu'en fait, j'ai jamais vu Frères des Ours depuis et je me suis jamais renseigné dessus. Mais c'est Joaquin Phoenix qui fait le personnage principal. Si, si, si, ça, je me rappelais de ça. Tout. Et là, et donc, voilà. C'est tout ce que je saurais te dire sur le. Est-ce que tu sur le. Pour que tu pleures un peu. Comment ? Est-ce que tu veux que je te donne le casting français pour que tu pleures un peu ? Vas-y. Bon, alors d'ailleurs, le principal, ça va, c'est Bruno Schoell qui fait la voix de Johnny Depp ou Matthew McConaughey, et Boris Rielinger, toujours le même, toujours Statham. Et par contre, après, dans les seconds rôles chez les Disney, c'est toujours des trucs de malade mental. Alors, t'as Kad Merad, Olivier Barou, Annie Cordy, Omar et Fred, et David Douillet. Oh la vache! David Douillet. Pourquoi? Et voilà, j'ai vu ça, j'étais là. J'ai pleuré un peu. Mais encore, ils ne l'ont pas mis dans les rôles principaux, tu vois, c'est déjà pas mal. Ouais, t'as au moins eu le bon goût de pas mettre ça dans les rôles principaux, quoi. C'est. Un certain gang de requins. mais quel enfer ce casting! Bon, Omar et Fred encore, ça passe. Voilà, c'est tout. Et non, voilà. Ouais, Omar et Fred, ouais, à la limite, mais ça reste. Ça reste pas grand chose, quoi. Non, non, bah, mais en même temps, je t'avoue, je m'en rappelle plus très bien. Donc, Bah écoute, je te propose qu'on oublie ce casting français. Parce qu'il y avait aussi eu, comment ça s'appelle le truc de super-héros là, qu'il y a eu cet été, avec un casting français de mort. Attention, je te le fais. Lois Lane. Ah. Tu le fais très bien, tu le fais très très bien. Non mais honnêtement, c'est le pire doublage français que je n'ai jamais entendu. Même jamais. T'as vu Black Phone cet été ? Non, non, mais tu peux me faire pire que Denis Brogniart. Black Phone, c'était quand même pas mal en termes de calamité aussi. Hein. Non, mais Denis Brogniart. Mais c'est Denis ? Non, non. Ah ! Ah ! Il fait son A ou pas dans Crypto ? Mais oui ! Il arrive comme ça, il a emprisonné Lois Lane. Non, mais ça m'a marqué, ça m'a traumatisé cette scène. Il emprisonne Lois Lane et tout, et il arrive dans la prison, dans la cage, comme ça, et il fait « Ah Lois Lane !» Ah putain, hey, subtilité d'écriture ou pas, les gars? Ah non, mais même au théâtre, c'est mieux joué, quoi. C'est atroce, atroce. Même soprano à côté, c'est mieux, quoi. Ah, ça, t'es dur, quand même, là. Alors, Denis Brogniart, c'est pas possible. Mais Lois Lane. À tout moment, il lançait Koh-Lanta avec Batman, quoi. Alors, j'ai préféré. Bah, écoute, je te propose qu'on oublie ce casting de mort et qu'on passe au film suivant. Voilà, qu'on reste un peu dans l'animation. Une VF, cette fois, que je trouve maîtrisée. Ah, je vais deviner, c'est un film de mon enfance. Un film d'actualité, en plus, c'est Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack ? Eh non, c'est l'autre film de Noël des années 2000. Mission Noël ? Ah, le Pôle Express ! Eh oui, le Pôle Express. Que j'ai pas revu depuis que j'avais 6 ou 7 ans, donc je pourrais rien dire, j'ai aucun souvenir. Mec, ils ont sorti un steelbook 4K du Pôle Express. Si je l'ai pas à Noël, je l'achète à Noël. Cette addiction au Pôle Express te perdra. C'est mon film d'enfance. Tous les ans, je crois que je vois le Pôle Express. Au moins une fois. À ce point-là ? Ah ouais, j'adore ce film. C'est nostalgique, tu vois. Ouais, bon, moi, pour le coup, j'avoue que j'en ai vraiment aucun souvenir. C'est triste, hein, mais je ne m'en rappelle pas du tout. Mais c'est... moi, il m'a marqué parce que j'ai très vite plus cru au Père Noël quand j'étais petit. Et genre, j'avais 5 ans, un truc comme ça. Et le Pôle Express, c'est un film qui ne m'a pas trop fait croire au Père Noël, tu vois. Mais c'est un film qui, je trouve, qui a la magie de Noël, mais qui te donne envie de croire en Noël. Même, tu vois, je le regarde maintenant, à 22 ans, et je me dis, j'ai envie de croire en Noël en regardant le Pôle Express. Là où L'étrange Noël de Monsieur Jack ne va pas me donner envie de croire en Noël. Ah, L'étrange Noël de Monsieur Jack, moi, je l'envoie tous les ans. C'est ça, mon film, c'est ça, mon film de Noël. Hein. Mais non, alors, le Pôle Express, c'est un film que je le connais dans les moindres détails, je le connais par cœur. Je trouve ça dingue aussi que Tom Hanks fasse 7 personnages dans le film. 7 ? Alors, il fait le père du garçon, le contrôleur, l'espèce de SDF, il fait le guignol aussi, pendant 2 secondes, il fait le Père Noël, il fait le jeune héros quand il est narrateur, et il fait la performance capture du héros. J'en ai aucun... On va dire, je m'en rappelle pas du tout, donc je saurais pas du tout dire. Mais waouh, je me rappelais pas qu'il y avait autant de... Tous les rôles. Après c'est les enfants, les elfes et les personnages féminins. C'est la femme de Zemeckis qui fait d'ailleurs la sœur et la mère du garçon. Je trouve ça marrant. Ok. Mais non, ces films, c'est vraiment dans mes films d'enfance. Je fais un top 10 de mes films d'enfance. T'as Les 12 Roues d'Astérix et Le Pôle Express. C'est un film qui a marqué ma jeunesse, qui me marque encore. Je trouve ça incroyable. Après, il a vieilli, par contre. Ça pique un peu les yeux, parfois. Ouais, c'est ça que j'allais me demander aussi. C'est que dans mes souvenirs, c'est les films d'animation qui sont un peu compliqués, on va dire, à revoir aujourd'hui. Bah, c'est la performance capture, quoi. Ça pique un peu. Mais je sais pas, ça a un charme et tout. Et je trouve vraiment, c'est l'histoire que j'aime bien. C'est un côté original, en plus, pour un film de Noël. Parce que les films de Noël, souvent, c'est la même chose. Hein. Mais donc voilà, moi, c'est... Le Pôle Express. À tout jamais. Ok. Allez, il nous reste 4 petits films pour finir. Le Steven Spielberg. Un film en 2004. Pas le plus mémorable. Lequel ? Le Terminal. Oh, c'est bien, Le Terminal. Mais pas plus mémorable dans le sens où c'est pas celui que tout le monde va te retenir le plus, quoi. Non, c'est pas celui que tout le monde va retenir, mais c'est bien, c'est super bien le Terminal. C'est vraiment bien. Que je n'ai pas vu. C'est très touchant, en fait. Il y a l'histoire d'amour entre Tom Hanks et Catherine Zeta-Jones. C'est un Spielberg mineur, mais vraiment, c'est bien. Le scénario, il est écrit par Andrew Niccol, qui est le réalisateur de Gattaca et de L'Ignoble. Et je sais que tu l'aimes bien, mais je déteste ce film, Lord of War. Et non, vraiment, c'est vraiment bien, Le Terminal. C'est vraiment chouette. Ou l'histoire vraie sur le gars est mort, t'as vu ? Ouais, et la musique est magnifique. La musique est superbe du Terminal. Et ouais, voilà, ça n'a pas marqué dans la film de Spielberg. Après, juste avant, il avait quand même fait Arrête-moi si tu peux. Et juste après, il fait La Guerre des Mondes. Ouais, donc il y a entre qui sont quand même deux Spielberg assez gros. Voilà. Donc, voyez dans le tas, surtout dans les années 2000, Spielberg, il te sort deux films en 2005, deux films en 2002. C'est vraiment... Oui, mais au global, il a quand même un standard qualité. J'aimerais bien que tout le monde ait le même. Quoi. C'est... Standard qualité, c'est en 2008, Indiana Jones 4. Ah non, pardon, ça, ça doit être une... Ça, c'est l'erreur. Ils ont dû se tromper, je ne savais pas que ce film existait. Ils ont dû se tromper. Ouais, celui-là n'existe pas. On va parler d'un film un peu plus mémorable d'un réalisateur aussi, mais lui à ses débuts, c'est Big Fish en 2004. C'est pas ses débuts, Big Fish ? Oui, non, qui était mémorable à ses débuts, ouais. C'est dans Big Fish, ça passe. Je l'ai toujours pas vu. Bah, il est pas mal, mais le problème, c'est quoi, Burton, dans les années 2000, enfin, on a quand même Alice au Pays des Merveilles, on a Dumbo. Tu vois, même Les Noces Funèbres, que beaucoup de gens adorent, je trouve qu'il a un petit problème, c'est-à-dire que dans tous les autres films de Burton, le but, c'est d'épouser le fantastique. C'est que le fantastique, c'est par là que finalement la résolution va arriver. Là où Les Noces Funèbres a un petit message où t'as l'impression qu'au contraire, le fantastique amène les problèmes et qu'il faut donc le résoudre. Et je trouve ça un peu bizarre, on va dire, comme morale venant de Burton. Mais non, Big Fish, ça va. C'est pas son meilleur, c'est pas son pire. Il y a de très très très beaux plans dedans, mais ça va. Il a l'air d'être très Burton. Ouais, même pas tant que ça. C'est pas aussi pas Burton entre guillemets que peut l'être des trucs genre Dumbo ou Alice au Pays des Merveilles, mais ça va. Tu vois, je veux dire, c'est honnête, ça se regarde. Dumbo. Horrible. Horrible. Horrible. Et ouais, bah après, c'est quand même marqué la carrière de Burton, quoi. Oui, non, pas dans ses débuts, je disais au milieu de sa carrière, c'est pile au milieu. Il y a eu un gros succès critique, il me semble, sur Big Fish. Oui, mais pourtant, c'est étonnamment, c'est pas celui que. Si je demande à quelqu'un de Burton, ça sort pas Big Fish. Bah, normal, parce que Burton, il est surtout connu pour sa grande période des années 80-90. Avec en paroxysme, je trouve, le magnifique Édouard aux mains d'argent. Donc ça s'arrête là. Oui, surtout qu'après Big Fish, il fera Charles Chocolaterie, donc il a quand même plus marqué les gens de comme nous de cet âge-là, quoi. Ouais, bah moi Burton, c'est quand même un des premiers réals où je me suis dit lui j'aime bien ce qu'il propose, lui j'aime bien. Et j'avais vu l'étrange de, enfin pas l'étrange de Noël, la Charlie à la chocolaterie que j'aurais jamais dû revoir. Ah, Pour moi, je pense que les premiers Burton qui m'ont le plus marqué, c'est Édouard aux mains d'argent et les deux Batman qui sont des films que je trouve assez exceptionnels, surtout le 2. Allez, avant dernier film, j'avais dit qu'on en parlerait le jour d'après. Ben Badi, si tu nous entends. Je déteste ce film, je l'aime vraiment pas, je le trouve super chiant, à part Jake Gyllenhaal dedans qui est bien. Moi je l'aime. Je vois pas l'intérêt en fait de ce film. Bah, l'intérêt, il y en a pas tant que ça, à part faire un film catastrophe. J'ai envie de te dire, c'est quoi l'intérêt de 2012, quoi. C'est pareil. Bah, surtout que dans la même veine, 2012, je le trouve plus spectaculaire en fait. Là où le jour d'après, je vois pas. Ouais, mais la différence de 2012, je le trouve réussi. Je trouve qu'il part pas dans du grand n'importe quoi, ça se tient, il y a pas. Genre 2012, à la fin, il y a des gros bateaux, quoi. Ouais, mais c'est ça que j'aime bien dans 2012, c'est que c'est complètement abusé. Et au moins c'est fun, là où le jour d'après, c'est... En fait, dans mes souvenirs, ça veut se la jouer un peu psychologique, avec, les personnages, là, tu veux creuser la psychologie, etc. Ça va pas très loin, quand même, hein, c'est... Non, mais ça, je trouve, ça a le mérite de vouloir le faire, là où la plupart des films catastrophes n'en ont rien à faire. Quoi. Oui, mais au moins, la plupart des films catastrophes vont te proposer un spectacle qui va compenser. Alors, on peut parler d'un film catastrophe qui ne propose aucun spectacle et qu'un scénar nul, parce qu'il faut en parler. On en a déjà parlé, mais il faut exorciser encore une fois Prédiction. Voilà. Ok, chef-d'œuvre Prédiction, chef-d'œuvre biblique. Je vous ramène à l'épisode. À l'épisode Alex Proyas, le film de la chute. Le film du complotisme. Pour moi, la chute, ce serait Garage Days, mais là, n'est pas le sujet. On en a déjà parlé. c'est compliqué. Moi, j'aime bien. Sur le film catastrophe. En termes d'effets, ça n'a pas trop mal vieilli, en termes d'effets. Là où 2012 a énormément vieilli, par contre. 2012, je sais pas, j'avoue que je l'ai vu que deux fois lorsque j'étais plus jeune et je me suis jamais senti le besoin de le revoir. C'est pas très beau, 2012, maintenant. Alors que le jour d'après, ça passe. Genre l'eau et tout ça, c'est plutôt bien fait. Ouais, voilà. Ouais, après, est-ce qu'il a, dans mes souvenirs, il a aussi la photo bleutée années 2000, hein. Ouais, ça c'est vrai. C'est très bleu. Ouais, compliqué. C'est très bleu, mais c'est moins bleu que ce que Saut 2 est vert. Ouais, oui, non, mais ça, oui, forcément. Et dernier film. Un film que je n'ai pas vu, mais tu l'as sans doute vu de toute façon. Un gros film de 2004. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Michel Gondry. Qui est une merveille avec Jim Carrey dans son meilleur rôle avec Truman Show, je pense. Et c'est un film étonnant. C'est un film étonnant parce que c'est Michel Gondry qui va devenir, qui confirme entre guillemets son, je vais pas dire pas son statut d'auteur, mais sa capacité à vraiment créer des récits d'une ampleur conséquente, on va dire. Et qui est quand même qui ce qui est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire, toi, tu l'as pas vu le film? Non, j'ai vu des Michel Gondry, mais pas celui-là. Bah en fait, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, c'est vraiment un film où l'émotion affleure et où tu. Pour moi, c'est son film le plus touchant. C'est son film le plus touchant parce que il va vraiment mettre tout le récit au service de ses personnages, au service de Jim Carrey, qui est une espèce de quête désespérée pour retrouver Kate Winslet. Et en même temps, c'est un film qui est complètement désespéré, qui est très très noir. Et ça rejoint un film que tu sais que j'adore, qui est Ouvre les yeux de Alejandro Amenábar. Je vous renvoie à l'épisode du Fantastic Cast sur les films espagnols qu'on a fait. Et Cette auto-promo magnifique. n'est-ce pas? T'as vu ça un peu? J'ai le droit, c'est moi qui fais les deux. Tu n'as pas besoin de citer deux autres podcasts pour faire le placement de produits. Non, c'est ça, ça tient, ça tient. Et en fait, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, qui est pas facile à aborder, qui est pas facile à aborder parce que la forme, c'est sombre, le récit, c'est sombre, c'est pas un film où il y a beaucoup d'espoir, je trouve, mais ça reste un film qui est quand même assez unique, en fait, assez exceptionnel et qui marque vraiment beaucoup. Et il faut que je le voie, tout le monde m'en parle, je sais pas. Oui, Et Alain oui. aussi me dit, regarde-le, je dois le voir, mais je sais pas, jamais. En fait, je pense que comme je n'aime pas trop Jim Carrey. Non, là, pour le coup, je t'assure, c'est vraiment un très, très, très, très bon acteur dans le film. Tout le monde dit, ouais, Jim Carrey, Jim Carrey. Non, non, Jim Carrey dans ce film-là, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose et ça. C'est impressionnant d'ailleurs de voir qu'il peut à ce point proposer autre chose. Ok. Ben voilà, donc 2004, on a fait un petit tour de l'année 2004. Avec des gros films quand même, tu vois, variés, un Bah, peu. ce qui m'impressionne, c'est à quel point c'est. Déjà, on a une diversité de propositions et c'est des films qui sont restés, c'est des films dont on se rappelle pour la plupart. Et parce qu'aujourd'hui, je t'avoue que là, rapidement, je préfigure le bilan de cette année, mais cette année, j'ai eu énormément de films qui m'ont pas mal déçu quand même. Tu vois, c'est-à-dire Blonde que j'attendais énormément. Il y avait quand même des trucs qui c'était pas terrible, terrible. Nope que j'attendais aussi pas mal. J'ai pas trouvé ça aussi bien. C'est bien, mais pas aussi bien que ce que j'aurais aimé. C'est intéressant de faire ça, d'autant plus qu'on voit qu'à l'époque, t'avais plus de films qui nous arrivaient facilement d'autres pays. Là, cette année en France, j'ai pas eu la sensation d'avoir beaucoup de films asiatiques en salle, par exemple. Si, t'as, en fait, oui, mais les connus, quoi, tu vois, les Park Chan-wook, The Decision to Live, c'est le truc. Ouais, il y a eu The Sadness, mais Déjà. parce que Sadness, on a eu Shadows et ESC qui ont poussé pour le sortir, et on les en remercie. On les en remercie d'ailleurs, qu'il me semble qu'ils vont sortir. Oui, ils sortent Terrifier 2 en janvier, le 11 janvier, je crois. Ça a été décalé en janvier, ouais. Ouais, et que Terrifier 2 que j'ai vu et que je vous invite à voir, mais attention, c'est très très très très très très gore, donc soyez prévenus, mais allez-y sinon. Les enfants, c'est mieux. Ouais, voilà, allez-y en famille. Mais ouais, c'est intéressant de voir ça, d'autant plus qu'on voit que d'un. Il y a, comment dire, il y a plusieurs propositions et il n'y a pas encore de franchise ou de gros film qui est issu de trucs qui existent depuis longtemps. Ou alors, si ça existe depuis longtemps, c'est que ça a été créé pour le cinéma. C'est-à-dire que tu as parlé de Benjamin Gates, tu as parlé de. Ah, de. J'arrive de Kill Bill. Oui. Qui sont entre guillemets des franchises, Kill Bill, c'est un diptyque, mais c'est des choses qui ont été créées pour le cinéma, et aujourd'hui ça manque un peu. Aujourd'hui on a John Wick qui a réussi à survivre comme ça. Mais ça se fait beaucoup, beaucoup plus rare. Et c'est un peu désespérant. Avatar 2 qui va sortir, qui est créé pour le cinéma. Donc, j'espère qu'il va marcher. Oui, mais le problème d'Avatar 2, c'est que là, t'as le 2, dans 2 ans, t'as le 3, dans 4 ans, t'as le 5. Dans le... Oui, mais ça reste une création originale. C'est pas adapté d'un comics, c'est adapté d'un médium existant. Et surtout, c'est 5 films, mais c'est fait avec derrière, t'as le même auteur. Bah, après, c'est fini. Dans le 3 et 4, 5, c'est plus lui. Le 3, 4, 5, c'est plus lui ? Le 2, sûr. Le 3, je... Le 3, c'est lui. Il me semble que le 3, c'est lui. C'est lui. Par contre, le 4 et 5, c'est plus lui. Oui, mais il sera à la supervision, je pense. Connaissant Cameron, il va pas laisser ça à n'importe qui. Non, mais c'est pour dire... Comment... Bah, oui, mais comme Alita, tu vois, Alita, c'est censé être un film de Rodriguez, c'est un film de Cameron. C'est vrai. Donc, tu vois, c'est ça la question que je me pose. Je pense que le MCU a clairement un rôle conséquent là-dedans. Et maintenant, c'est dommage. Et surtout que les Oscars avaient déjà plus de gueule, mais bon, c'est pas comme si ça valait quelque chose. Et un autre truc, je remarque, tu parles du cinéma asiatique, américain, mais le cinéma français était aussi plutôt varié, quoi. C'était pas les peluches qui sont répondues. Oh non, ça pour le coup, ça va, on a quand même un cinéma français qui est super varié cette année. On a quand même un nombre de propositions assez énorme, avec toujours une diversité, que ce soit dans le thème, la façon de l'aborder. Je me souviens du film La vie des autres, qui était pas mal. Il y avait Revoir Paris, que j'ai trouvé exceptionnel. Vraiment, je trouve qu'on est une... Comment ? 2004, du coup, mais oui. Bah, aujourd'hui, on a quand même une sacrée diversité. Ça manque de cinéma de genre, ça manque de cinéma d'horreur et de ce cinéma-là. Mais en termes de comédie, de drame, de... Même de films d'action, hein, on a Olivier Marchal. on s'en sort. Il est toujours là. C'est ça, ouais, non, mais j'ai pas encore vu Overdose, hein, je l'ai dit, mais j'en ai peur d'Overdose. Et donc, pour terminer l'émission, parmi tous ces films dont on a parlé, si tu devais en retenir que 3, ce serait, je pense, sur Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ouais. Il y aurait l'effet papillon, parce que c'est un film que je trouve trop oublié, c'est un film que j'aime beaucoup, vraiment. Et il y aurait deux sœurs qui est... Enfin, non, deux sœurs ou Old Boy. C'est quoi, j'enlève Eternal Sunshine, je mets Old Boy, parce que c'est Old Boy qui est un film qui m'a giflé, mais comme c'est pas permis. Et deux sœurs qui est un film très très important pour ma cinéphilie et pour mon appréciation du cinéma coréen, de ce cinéma d'auteur coréen que j'aime beaucoup aujourd'hui. Et alors moi, j'aurais mis L'effet papillon aussi, parce que comme tu dis, c'est un film trop souvent oublié et qui ne mérite pas, et c'est vraiment symbolique des années 2000. Et le film qui fait sa période, et c'est cool à regarder. Bah, il est dans son jus années 2000, mais c'est pas le plus désagréable dans ce domaine. Genre American Pie, ça c'est dur. Donc, c'est dans son jus aussi. Hein. Ouais, pas le même jus, mais dans son jus. Après j'aurais mis Shrek 2 parce que ça reste le premier film que j'ai vu au cinéma. C'est un film que j'ai vu 15 milliards de fois et que je trouve hyper réussi, et le Pôle Express parce que c'est le film d'enfance, c'est le film que, pareil, je sais qu'il a ses défauts, mais je peux le voir à l'infini, et ouais, c'est le film d'enfance par excellence, c'est le film que je retiens le plus, et voilà. Ok, bah, je te propose qu'on conclue cette émission tranquillement. Voilà. Bah après, il faudra trouver une autre année à faire. Peut-être. C'est pas vrai. Années 90. Bah oui, c'est ce que je comptais faire. Tu vois, tu fais par décennie et tu reviens après en boucle. Ça peut être pas mal. Mais écoute, on trouvera un moment pour ça, même si le prochain épisode qui devrait arriver, c'est la conclusion de la phase 4 du MCU. Épisode qui sera beaucoup plus court que d'habitude, je pense. J'y veillerai personnellement. Et on finit ce... Oui. À chaque fois qu'on dit ça, ça finit par durer 3 heures. Même. Non, on va finir ce bordel sans nom. Parce que non, j'ai vu She-Hulk et ça m'a donné envie de fracasser mon écran par terre. J'ai cru que t'allais dire ça m'a donné envie de twerker, tu vois. Non, mais She-Hulk, la fin de She-Hulk, c'est littéralement Marvel qui fait un énorme doigt d'honneur à tous ses fans et qui fait « Ouais, c'est de la merde ». Mais tu viens voir, connard. Ah, ça m'a énervé. Donc voilà, on finit ça. Robot Kevin. Je comprends pas. Très bien, Kevin. Non, mais c'était infernal. C'était infernal. C'était horrible. Après, on aura sûrement le Christopher Smith ensuite. Peut-être le retour d'Alban d'ici là aussi. À voir avec le retour d'Alban, ce qu'on fait. Voilà, donc là, ça arrive, ça arrive. Lentement, mais sûrement, on va dire. Début d'année compliqué, étant donné que c'était toujours c'était compliqué, pour des raisons très personnelles à chaque fois, de se retrouver, de trouver des moments où enregistrer. Mais, on en trouve tranquillement. Et puis voilà. Il y aura aussi l'épisode, du coup, de bilan de l'année. Oui, bilan de l'année, qui, je pense, va être sanglant. Ça... D'attente, du coup, enfin, un tour sur ce qui sort. 23. Oui, bah, un épisode bilan de l'année qui est passée, ensuite des attentes de ce qui va sortir l'année prochaine. Comme ce qu'on avait fait en début d'année. Voilà, bah, un gros merci à vous tous. Oui. On allait vous dire sur les réseaux ce que vous pensez de toujours. Concept, du coup. De ce concept. Un grand merci à vous tous, toujours, d'écouter, de partager, etc. Et bah, on se dit à la prochaine, tout simplement. À la prochaine.